Ciao et merci pour ce soir. On a encore passé, et comme tous les soirs, une super soirée là avec vous. J'ai bien aimé ce soir quand on a parlé d'échangisme. Ouais. Oui, oui. C'est fantasme de Carrel. Oui, oui. En attendant, le seul qui est allé ici dans cette émission, c'est en toi. Club échangiste, c'est toi, Doc. C'est toi, Doc, hein, avec une boxeuse, une championne du monde de boxe qui t'a, qui était montée sur toi, qui non, t'avait demandé elle a essayé, de la. Mais j'ai pas dit oui. Ah, t'as pas dit oui. Tu regrettes ou pas non, maintenant, du tout, quelques du années tout. Plus tard. Non, ouais. Je voulais bien voir, mais c'est pas mon truc. C'est qui cette sportive? Oh, je sais plus. Tu veux qu'on l'appelle? Qu'on prenne non, des non, nouvelles? Non, non, non, non, je te la refile si tu veux. Non, mais attends, on non, veut tu pas. Tu veux pas boxer là? Ah non, ça m'intéresse pas. J'aime pas trop les. Je suis sûr que ça t'exciterait un peu. Non, non, non, non. J'aime pas trop, moi. Je préfère quand c'est doux. Ah, ça peut être doux, mais bon. Oui, bien oui. Avec de la poigne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, là, surtout la poigne. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. On sera là à partir de 20h. On va retrouver Mickaël No Limite avec toute l'équipe. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. En pleine forme, comme tous les soirs. Eh ben, tant mieux, parfait. Vous avez plus de chance que nous. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien, vous avez été invité à bouffer par le patron, alors que nous, on était à côté, on a dû payer. C'est vrai. Hein ouais, c'est vrai. Je pensais qu'elle allait nous faire la surprise, genre l'addition est payée, mais non. Hein. C'est ça, en fait, pas du. Bah, merci d'être venu. Hein. Bah, de rien, écoute, merci, Jérôme. On a bien mangé, c'était nous gratuit. Aussi, mais beaucoup plus cher que vous, en revanche. Bah, écoute, qu'est-ce que sur tu veux. Sur le coup, oui, c'est ah, sûr. Et sur le coup, on s'est bien fait enfumer. Oh, c'est pas grave, ça arrive. Bon, et ben, et belle moto, le doc. Hein. J'ai la première fois que je vois la voie, là. Ah, t'as vu ou pas, le. On dirait la navette. On dirait une navette spatiale. Ah, c'est un peu ça, oui. Oh putain, la violence. Il a un gros modèle. Ah ouais, il a un gros modèle. Hein. Ça, c'est, ah oui, mais pour draguer, c'est top. Ah bah, je n'en doute pas. Hein, j'en doute pas. Non, mais ça, c'est ton charme. Bah, bien sûr. Ah, et c'est pas la moto, ça n'a non, rien à voir. Non, c'est le Stetson, c'est le chapeau qui fait tout. Voilà. Oui, c'est le petit truc en plus, tu vois. Et les bottes, parce qu'on l'entend arriver, ça fait schling, schling, schling. Voilà. Il a ses revolvers et tout ça. Ouais, il sort mon gun, oui. Ah, il faut pas le croiser dans le couloir, hein. ça peut finir mal. Là. Alors que Toff, lui, il a son cheval qui est devant la radio. Bien sûr. Hein. Ouais. Il est là, mais c'est pas la même classe, quoi. Non, c'est Vélib. Hein. Bah, c'est Toff, quoi. C'est, oui, c'est différent, exactement. Bon, bah, bonne soirée à vous. Gros bisous, à demain. Allez, hop, c'est parti, retour de VinFun demain 20h et nous, on est parti jusqu'à 2h. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Toujours de plus en plus nombreux, parce que oui, ça commence à se savoir qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et côté sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs, 23h, 2h, vous en avez pris l'habitude. Et puis du lundi au jeudi également, donc, hein, et puis bah le dimanche, hein, de 20h à minuit. Il y a d'ailleurs Loïc avec nous déjà maintenant, là. Salut Loïc. Salut. Comment ça va? Ça va, merci, toi? Bah, ça va, tranquille, hein. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Tranquille, t'as fait quoi? Tranquille. Bah, j'étais pas en cours, donc je suis resté dehors. Et oh, puis après, ça va, la belle vie. Mais ouais, grave. Cette semaine, ouais. Ah, bah, tranquille, mais pourquoi t'as payé ton cours? Bah, parce que j'avais pas cours de temps en temps, et puis j'avais pas trop envie. J'avais pas cours de temps en temps, et j'avais pas trop envie, ouais, c'est ça, ouais, donc t'as pas été. T'as le matin, ma mère, elle me réveille pas, en fait, donc. Ah, t'as raté le réveil, dommage. Ah, c'est la faute de ta mère qui travaille pas. Alors que tu nous aurais demandé, nous, y'a pas de problème, on a le réveil. Parce que normalement c'est un pote à moi, Métine, il m'appelle en fait, Métine, et il me réveille, et puis là il me réveille plus. Ah, oh, l'enfoiré. Ouais, c'est sa faute, quoi. Ah, l'enfoiré. Oh là là là là là là là, d'accord. Je tiens à remercier la voisine ce matin qui a décidé de prendre son téléphone et de parler. Vous allez me dire, jusque là rien d'exceptionnel, elle a le droit. Effectivement, elle a le droit, mais à un moment elle a déposé le téléphone, elle a commencé à chanter dans l'appartement juste en bas ou à côté ou au-dessus, je sais pas. Bref, ça a réveillé tout le quartier, enfin en tout cas moi. Et oh là là, ça m'a énervé, je me suis dit putain, j'étais vénère. Elle commençait à chanter, mais en plus elle chante mal. Encore, elle chante très bien, mais non, là c'était une catastrophe, quoi. Oh, t'as pas de voisins, toi? Moi aussi, j'ai des voisins. Et ils sont bruyants ou pas? Bah non, ils sont pas bruyants. Bon putain, t'as de la chance. Hein. T'as les voisins, toi, non? Moi j'ai plein de voisins, hein, tous des Chinois d'ailleurs. Et non, mais aujourd'hui c'était la journée EDF, donc c'était très sympa. Pourquoi? Bah parce que donc t'as le mec qui sonne, il fait bonjour, c'est EDF, c'est pour relever les compteurs. Ah oui, bonjour. Et donc, sauf que le mec il fait à toutes les sonnettes, donc quand t'es comme moi, j'habite au 5ème, je l'ai déjà entendu 2000 fois quand il arrive chez moi, il fait ouais, je sais. Ouais, bah au moins ça te réveille, bah c'est très bien, c'est comme ça. Ah ouais, bon, 8h, c'est cool. Bah oui, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, là, vous faites le 01 42 48 5000, et pour la Belgique, le 02 851 4x0, et on parlera ensemble de ce que vous voulez. D'ailleurs, on parlera de quoi, Loïc, avec toi? Bah en fait, c'est par rapport à ma copine. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est par rapport à rapport sexuel et tout ça, en fait. Bon, d'accord, ok. Bon, alors, on n'en dit pas plus. On va en parler dans quelques minutes. La bouche, pas de là. Et Sandra, passez une bonne journée, au fait, aujourd'hui. Oui, oui, oui, très bonne. Le régime bah, on a dit 1er avril. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh. Oui, mais c'est moi, à chaque fois, j'oublie. Parce que j'ai tellement l'habitude que tu me dises, oui, mais demain. Ah non, que je me suis envoyé un tiramisu là, à la continentesse. Bon ben rendez-vous le 1er avril, hein, ce sera le jour du régime, le comeback du régime. Tov qui est là également avec de nouveaux amis tout à l'heure. Ta mère la chienne. Voilà, ça c'était hier soir. Tu veux que je vienne t'enculer, cette fille de pute ou quoi? De nouveaux amis très charmants. Toujours, toujours. Moi j'ai toujours des amis très classe, très charmants. Complètement. Donc si vous débarquez tous les soirs aux alentours de 23h30, minuit 30 et 1h30, on appelle des gens pour leur poser des questions très importantes, très sérieuses. Et toujours. Et toujours basé sur des faits réels. Ouais, et toujours dans le but d'aider notre prochain. Toujours de les prévenir ou de leur rendre service. Voilà, dès maintenant, si vous avez des numéros de téléphone de gens comme ceux-là. Tu veux que je vienne t'enculer, cette fille de pute ou quoi? Des gens gentils, charmants et agréables. Ta mère la chienne. Voilà. Et ben vous envoyez les numéros qu'on peut rappeler tout à l'heure, donc vers d'ici une petite demi-heure, là, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Comment va l'armée des doux également avec Polo, bien entendu, le grand général? Eh bien, l'armée des doux se porte bien. Si tu es doux, douce ou doux, tu as entre 14 et 15 ans, moins de 15 ans, et tu n'as pas mué, tu fais partie des doux. N'hésite pas, polo@funradio.fr. Viens t'inscrire, tu auras un diplôme. Exactement, pour faire partie de cette grande communauté. Laura avec nous également. Salut Laura. Bonsoir Mickaël. Comment ça va Laura? Ça va très bien. Bon, très bien Laura. Donc bon, tu vas jouer pour tenter. Salut Laura. Tu vas tenter de repartir toi peut-être ce soir avec un netbook. Ah, très bien. Avec une bouteille de... Non, pas du tout. Avec un netbook donc Laura. Et pour gagner le netbook, Laura, il faut que tu poses une colle. Le concept est très simple, tu poses une colle, quelqu'un trouve la bonne réponse, il passe à l'antenne, il donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si jamais personne ne passe à l'antenne ou que parce que ça décroche pas ou que la réponse n'est pas la bonne, c'est toi qui gagneras le netbook. D'accord Laura? Ok, ça va. Bon alors c'est quoi la colle? Vas-y, fais péter, on t'écoute. Alors, j'ai 5 doigts. Ouais. Je n'ai plus ni d'eau et ni de chair. Qui suis-je? Je recommence. Qui tu suces? Ouais, non. Moi je veux bien. J'ai 5 doigts. Ouais. Je ne suis ni d'eau et ni de chair. Qui suis-je? Ah d'accord, t'es un peu espagnol Laura, non? Non, italienne. Ah italienne, ouais, bon bah enfin en tout cas tu parles pas français de base à la base. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Donc je ne suis, alors j'ai 5 doigts, je ne suis ni d'eau, ni d'os, hein, les os, ouais. Ni d'os, ni de chair, qui suis-je? Voilà, ouais, je sais. C'est quoi? C'est la bite. Ah, je ne suis pas d'eau, ni de chair. Ouais, c'est la bite ou pas, Laura? Ah, non, bah, bon, bah, c'est pas possible, bah, ça. C'est un jour viendra, un jour viendra. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L, suivi de votre réponse au 64-900 par SMS. Ou au 63-22 depuis la Belgique. Et dans quelques secondes, je vous mets également sur le Facebook de l'émission la colle de ce soir, comme ça vous allez pouvoir la lire et même y répondre et la transférer à tous vos potes également. facebook.com/mikaelofficiel. Laura, est-ce qu'il y a un son comme ça que tu as envie d'écouter ce soir? Oui, c'est DJ Antoine, si c'est possible. Oh ben, ça dépend lequel. Soulight. Comment? Soulight. Sous la light? Non, c'est Soulight. C'est sous la light? Oui. Ouais. Attends, bah alors il faut que je trouve déjà. Attends, bon, je vais le chercher. Bouge pas, Laura. Okay. Et toi, Loïc, t'as envie d'écouter un truc en particulier? Allô. Ah, Sunlight. Ouais. Ah, Sunlight. Sunlight. J'ai dû taper dans Google pour comprendre. Hein. Ah, Sunlight. Oui, Sunlight. D'accord, ok. Et toi, Loïc, t'as envie d'écouter un truc en particulier, un son ce soir? Oh, vous mettez du Caris ou? On met quoi? Pas de Caris. Non. Caris, non, on n'a pas nous. Ah non, ça on n'a pas, non. Bah tu sais, c'est sur Dancefloor, hein, donc forcément. Alors, Katy Perry, la nouvelle, c'est putain laquelle. Ah, Katy Perry, ça je peux. Attends, bouge pas, je vais regarder aussi. Juicy G. Ouais, je la connais, mais t'inquiète. Bah écoute, on va la caler dans. Ouais, on va la caler. Alors moi, ce que j'avais prévu aussi, c'est un nouveau son. On va parler de selfie dans un instant, et ça tombe bien. Puisqu'un nouveau son, c'est Chainsmokers, et le titre c'est Selfie. Ah bah alors. Ah bah justement, tiens, voilà. Ah bah les selfies, on va en parler. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire une overdose de selfies justement? Non, véridique, hein. Véridique. Overdose de selfies, c'est arrivé à un Anglais de 19 ans qui faisait jusqu'à 200 photos de lui par jour. Oh, ah bah, on fait 200 photos de soi par jour. C'est-à-dire que tu passes ton temps à faire des photos, tu fais exactement. Que ça. T'as déjà fait toi Loïc des photos ou pas? Photos de toi les selfies. Comment? T'as déjà fait des photos en selfie de toi? Ouais déjà ouais. Ouais t'en mets genre sur Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Ouais, vite fait. Voilà. Et bah, Instagram. Ouais, pour Instagram. Et bah, le mec, ouais. il a fini par plus aller à l'école, en fait, pendant 6 mois. Parce qu'il avait pas le temps, hein, sinon, il avait plus le temps de prendre ses photos. Il a perdu du poids parce que ça donnait mieux sur les photos. Et le souci, évidemment, c'est que ça l'a rendu complètement dingue. Il a fait une tentative de suicide parce qu'il arrivait plus non plus à faire assez de selfies. Et maintenant, bah, il est dans un centre de désintox. C'est ouf quand même. C'est ouf. Donc, dites-nous, vous, combien de selfies par jour est-ce que vous faites? Et puis, envoyez-nous vos selfies, là. On va faire, et selfies drôles, hein, pas juste, un bête selfie. Essayez de faire des selfies un peu originaux et on va les mettre sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission Mickaël officiel. Tu fais quoi toi comme selfie? Juste genre en mode beau gosse? Ouais voilà. Ouais, donc en fait tu peux faire tous les selfies que Tof peut pas faire quoi en mode beau gosse. Ouais, normal. Voilà. C'est les filles qui veulent faire des selfies de leurs boobs, j'accepte sur polo@funradio.fr. C'est le boob fille alors. Voilà, voilà. polo@funradio.fr. Envoyez-moi des boobs filles. Bon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui faire un gros fuck et lui envoyer aussi. Je prends aussi, kiffer, ça mixe. Voilà. Donc allez-y pour les photos en mode selfie et les photos drôles, hein, je compte sur vous. Et les plus drôles, on les mettra dans un dossier sur le Facebook de l'émission, comme ça vous allez pouvoir vous voir et vous taguer dessus. facebook.com/mickaëlofficiel. Il y a de Richard sur le Twitter qui dit: j'avais la flemme de tweeter du coup de pelle. Ah bah je confirme. Bah alors merde, comment ça se passe de Richard? Il y a Christine aussi, le full selfie pété de rire. Non mais c'est un truc de dingue quand même. Et Julie qui dit: bonjour à l'équipe, je vous remercie d'avance pour la soirée que vous allez nous faire passer. On va encore bien rigoler avec vous, bah j'espère en tout cas. Et Hugo Réo qui dit: tentative de suicide, malade, complètement malade le gars, tu m'étonnes. Et Christine aussi: la faute des parents et des amis pour louper les cours, l'excuse bidon. Ouais, je suis assez d'accord hein, Loïc hein. Ouais, tu t'es un peu foutu de nous là. Loïc, est-ce que tu peux enlever le haut-parleur? Parce que là ça fait de l'écho, c'est... on a l'impression que t'es dans tes chiottes. Ouais, attends. Ah bah voilà, là, c'est parfait. Ça va beaucoup mieux. Bon alors Loïc, bon c'est quoi ton histoire? Tu voulais nous en parler là? Ouais, donc quand je suis avec ma copine en fait. Ouais. Parce que soit quand elle a des trucs sexuels, soit quand je sors avec elle. Ouais. Bah par exemple, quand je sors avec elle, genre d'autres meufs quoi. Mm-hmm. Soit en boîte, soit en ville, elles vont m'attirer en fait. Ouais. Physiquement, et voilà quoi. Ça peut finir dans le lit ou. Donc tu sors pas avec ta. Ah oui, mais on en avait parlé hier soir, je suis con, en fin d'émission, moi qui ai oublié. Mais non, mais c'est vrai en plus. Mais oui, bah donc t'es pas vraiment avec ta meuf, c'est-à-dire que tu la kiffes pas vraiment, tu es avec elle parce que c'est une sex friend. Ouais, non, je l'aime, mais. Non, tu l'aimes pas, sinon tu sortirais pas avec une autre. Mais oui, je te dis la même chose hier soir en plus. Sors pas avec une autre, mais t'as une soirée quoi. T'amuser un peu. Ouais, non, mais d'accord, ok. Mais t'as raison, il faut tremper le biscuit plusieurs fois avant de se fixer. Mais non, mais d'accord, mais donc t'es avec une sex friend et elle le considère, elle te considère comme ton mec, mais sauf que toi tu la considères pas comme ta meuf puisque tu vas voir ailleurs. Si, quand même, si, je la considère comme ma meuf. Non, mais... c'est sa meuf, mais de temps en temps il vérifie ailleurs que c'est toujours bien sa meuf. Ouais, mais donc en fait t'es un peu le cousin de Tof, quoi, d'accord, ok. Bon, Loïc, attends, bouge pas. Est-ce que vous avez déjà eu des relations extra-conjugales? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que, comme Loïc, vous considérez que vous avez une meuf, mais que, ou un mec, hein, ça marche dans les deux sens, mais que, bon, bah, ça n'engage effectivement à rien. Eh ben, appelez-nous, on va en reparler avec Loïc dans quelques minutes. Là, vous nous appelez au 01 42 48 5000, au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis, on va se faire le jeu de la rupture également, avec des casques DJ à gagner ce soir. Si vous voulez jouer avec nous, pareil, vous nous appelez, on va jouer ici une bonne vingtaine de minutes. Donc, allez-y, vous avez encore un peu de temps, là. Vous nous appelez donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va s'écouter le son d'Afrojack dans quelques minutes. 10 feet tall. Voilà, 10 feet tall, ça va débarquer. Et puis pour nous envoyer des photos de selfie, vous envoyez ça sur le mail de Tof, hein, toph@funradio.fr. On va les uploader sur le Facebook et on va faire un album avec les photos de les plus belles photos, les plus drôles de selfie sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mickaëlofficiel, je compte sur vous. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. On est en direct évidemment sur Fun Radio, là, 23h13, rappelle la colle de Laura vite fait là, j'ai 5 doigts, je ne suis ni d'os, hein, donc c'est des os, ni de chair, qui suis-je? Vous pensez avoir la bonne réponse, tant mieux, il y a un netbook à gagner maintenant, pour le gagner, et bah, rencard sur le Facebook, je vous ai mis la colle pendant la pub là, donc vous pouvez aller voir ça, facebook.com/mickaëlofficiel, comme ça vous allez pouvoir lire la colle et y répondre, et donc Paulo avait dit la bite, ce n'est pas ça. Ouais. Que ce soit bizarrement. Clair. Bizarrement, oui, étonnamment même. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a Marianne aux limites sur le Twitter qui dit j'adore les selfies, lol, pas vous. Non, mais ça peut être drôle, après, ça dépend. Il y en a qui font vraiment des selfies en bois. Hein. Donc, Fred Rialba aussi, Mickaël, faut envoyer une photo de cette fille avec moi. Non, de selfie, pas de cette fille. Note, bon, tu peux après. Ça, hein. Moi, ça me va. Hein. On n'est pas dans le détail. Hein. Vous envoyez vos photos de selfie sur le mail de Toff et puis on va les mettre sur le Facebook. toph@funradio.fr. On va faire un dossier avec tous les selfies des auditeurs. Donc faites des trucs drôles et originaux. Hein. Je compte sur vous. Et Angel Piu Piu aussi. Bonsoir l'équipe. Je vous amène encore un nouveau venu. C'est Mertens. C'est un petit message de bienvenue. Ce serait sympa. Kiss Apollo également. Eh ben merci Angel Piu Piu. Là, t'es pas mal toi. Ta mère la chienne. Ah ben voilà, le petit message de bienvenue. Il est passé crème comme ça. 23h14. Sur Fun, les appels de Toff à suivre. Et puis on écoute le son d'Afrojack. Maintenant, c'est 10 feet tall sur Fun. I'm clumsy and my head's a mess, 'cause you got me. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Oh là là là là, ça y est, on a reçu les premiers selfies là, on vient de le mettre. Là, là, là, oh là, comment il s'appelle le premier là, dis-nous, du coup. Le premier, il s'appelle. Avec le chapeau là, avec la casquette en damier. Il s'appelle Sébastien. Oh bravo Sébastien, waouh, une belle tête de vainqueur là. Oh là, là. Les lunettes et tout, la folie totale. Je vous ai demandé, hein, parce qu'il y a un anglais qui a fini à l'asile parce qu'il faisait des selfies dans un truc de désintox parce qu'il a failli se buter, enfin bref, une folie totale, parce qu'il faisait 200 selfies par jour. Donc je vous ai demandé de nous envoyer des photos selfies. Donc c'est des photos qu'on prend soi-même, hein, avec la caméra frontale du smartphone par exemple, ou avec l'appareil photo retourné, peu importe. Et donc vous nous envoyez des photos sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. et puis on a créé un album, bon là pour l'instant on en a mis qu'une, mais on a créé un album sur le Facebook de l'émission, comme ça vous pouvez vous voir du coup, et puis on mettra toutes vos photos dedans. Donc facebook.com/MIKAELOfficiel, je compte sur vous. Il y a Tchoum sur le Facebook, il dit merci pour toutes ces soirées avec. Attends, c'est super soirée pardon avec vous. Gros bisous à toute l'équipe. Ah bah c'est Allison alias Tchoum. Eh bah mais gros bisous Allison. Bah Allison c'est quand même plus sexy qu'Tchoum. Ouais. Dilek également, bon je vous laisse, j'ai un examen demain, je m'endormirai en vous écoutant. Ah bah salut Dilek et puis bon courage demain. Mathieu également, je voudrais savoir si Toff a rencontré l'amour ou pas d'après les visions de la voyante. Ah bah oh là là, oui j'ai rencontré l'amour hein. Bah pour l'instant pas encore, mais après la voyante qu'on a eue il y a quelques semaines là avait dit qu'il serait papa l'année prochaine. Oui, ouais. Enfin là, pour le moment c'est pas gagné hein. Oui, oh là t'emballe pas. Il y a Alfinitour qui dit un petit coup de pelle, bah avec plaisir. Hop là, je vais t'en mettre un, tiens. Voilà, et puis il y a aussi Ness qui dit hello everyone. Eh ben salut Ness. Continuez avec tous vos messages, hein, n'hésitez pas, facebook.com/MIKAELOfficiel. Hashtag MIKAEL sur le Twitter. Et vous nous appelez bien sûr, d'où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. D'où que vous soyez en Belgique au 02 851 4x0. Et pour tous les autres, eh ben vous faites le 00 33 1 42 48 5000. On sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui écoutent au Canada, qui écoutent dans les îles, qui écoutent même aux États-Unis, au Luxembourg, en Suisse. Bref, vous pouvez nous appeler aussi. Appelez-nous et puis on vous rappelle juste derrière. Donc vous inquiétez pas, ça vous coûtera pas un bras. On a également mis la vidéo de Polo aussi, hein, qu'on a mis, souvenez-vous, là, quand il a fait le burger là, à Grenoble il y a une semaine. Oui. N'oubliez pas d'aller la voir, allez sur la chaîne YouTube de l'émission, tapez MIKAELOfficiel pour aller voir ça, elle est dessus, n'hésitez pas. Il y a la vidéo aussi de Jared Leto qu'on a reçu il y a un bon mois maintenant, hein, quand il a fait la commande de pizza. Bref, on aime bien les vidéos à base de bouffe. Hein. Oui, bah on aime bien manger, c'est... Ah ouais, en pizza, burger et en plus on mange bien. Hein. Oui c'est vrai, que de la bonne bouffe hein. Donc voilà, allez ajouter MIKAELOfficiel, la chaîne YouTube. Il y a Adrien aussi, t'appelles le moment qui aurait moins de redonner un petit coup à Toff. Bah oui, ah, avec plaisir, plutôt deux fois qu'une. Le jeu de la rupture dans un instant. Et puis Thomas est avec nous également là du Finistère. Salut Thomas. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bien et toi? Bon oui, très très bien ouais. Bon Thomas, tiens, toi tu voulais parler de selfie. Mais est-ce que t'es déjà sorti avec une meuf Thomas? Non, pas depuis la sixième. Ah pas depuis la sixième? Ah donc t'es déjà sorti avec une meuf. C'est déjà pas mal. Bah oui. Ouais. Bon bah très bien, non mais je demandais parce que je voulais savoir si justement t'étais déjà peut-être tu l'as peut-être déjà trompé, comme Loïc par exemple. Loïc. Mais qui est Loïc? T'écoutes depuis quelle heure Thomas Loïc? J'écoute depuis 20h là, mais tous les jours je vous écoute mais. Là t'as déconnecté là. Ouais. Ah, bah Loïc c'est l'auditeur qu'on a eu à 23h en début d'émission qui disait qu'il avait déjà trompé sa meuf, tout ça. Ah oui, oui. Ah voilà, ça y est, c'est lui Loïc, c'est très bien. Thomas? Ouais. Je t'ai mis un petit coup de pelle pour te réveiller là, comme ouais, ça c'est fait. T'es mou là. Hop là, voilà, ça y est, maintenant il est en forme. Maintenant il est en forme là, notre Thomas là. Là il est en forme. Bon alors Thomas. Là, je suis en forme. Ah bah tu vois là, ça va beaucoup mieux. Hein. Regarde, hop, je t'en mets une, c'est pour la forme aussi, tiens. Nickel. Voilà, t'as vu comment t'es bien là. Eh, vachement bien. T'as vu, il est beau gosse comme ça, Thomas. Ouais, hein, il est bien, il est d'équerre. Ouais, il lui remanquait, c'était pas trop droit là maintenant. Hop, ça y est, ça s'est bien mis. Bon Thomas, toi tu voulais parler de selfie toi. Ouais. T'en fais où, tu passes ta vie en faire? Oh non, justement, je change ma photo de profil Facebook tous les 6 mois. Pourquoi? Bah parce que je change tous les 6 mois et je vois des gens qui échangent tous les jours presque. Ah oui, bah il y en a qui passent leur vie à le faire. Mais t'es tellement mou, c'est que ça te prend du temps, c'est normal si tu mets 6 mois. Non mais attends, parce que je rigole parce que je viens de voir la photo en selfie sur le Facebook de Ludwig. Attends mec, Ludwig, t'es pas sérieux avec une photo pareille là, t'es vraiment sérieux. Puis après il y a les mecs genre beau gosse qui sont torse presque nu, tu sais, qui font les signes avec les doigts et tout là. Voilà, ouais. Bah Ludwig aussi d'ailleurs encore une fois. Et puis Dilek également de Bruxelles là qui nous a fait une petite photo, donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Tu devrais nous envoyer la tienne aussi Thomas, tiens, qu'on la mette sur le Facebook. Ouais, pas de problème. On va l'avoir dans un an. Bah oui. Tu peux l'en faire ce soir ou pas, Thomas? Ouais, t'inquiète, je vais faire ça tout de suite. Bon, bah ça roule. Mais merci, Thomas, d'avoir appelé, hein. Bah de rien, et vous déchirez, hein, continuez comme ça. Merci, Thomas. Tiens, je t'en mets un, tiens. Hop là, je t'en mets un petit coup, merci, là, avant de partir. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, là, choisis la bonne. Je fais une dédicace à Hugo de Carré. D'accord, et eh ben le message est passé. Salut, salut, et à bientôt. Un klaxon, s'il te oui, plaît. Tu gères ça avec Sandro, je te la repasse. Merci beaucoup. Salut, je t'en prie, à bientôt, ciao. Loïc également. Hey, Loïc. Ouais. Enlève ton kit main libre, hein. Enfin le haut-parleur, tout ça là. Ouais. Voilà. Tu fais pas de photo selfie toi? Bah j'ai fait vite fait, c'est pas mon truc quoi. Oh bah vas-y Loïc, on voit là, comme ça on la met sur le Facebook. Bah oui, comme ça on voit à quel point t'es une star Loïc, pour avoir une meuf et te permettre de comme ça d'aller voir ailleurs et tout, comme un beau gosse. Bah y'a moyen hein. Bah bien sûr qu'il y a moyen. Attends, y'a Alexandra qui va te remettre d'équerre aussi, tiens. Alexandra qui est avec nous de Cannes. Salut Alex. Oui, salut. Oui, comment ça va Alex? Ça va. Ouais, je suis hyper contente de vous avoir parce que depuis que vous êtes arrivée il y a 6 mois, ben, je vous écoute. Eh ben écoute, tu sais quoi, nous aussi on est contents de t'avoir, figure-toi. Eh ben tu sais quoi, pour fêter ça, envoie-moi un boopspi. Sur radio.fr. Et tu sais quoi? On va fêter ça mieux. Moi je suis les vieux de la vieille, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien. Ah bah, bravo, j'ai allez, tout mon téléphone pour vous écouter. Mais je suis là tous les soirs. Et ben c'est le principal. Avec vous, Alex. Deux c'est mais, bien, c'est mais bien. Mais combien c'est mesures bien. Tu, Alexandra? Non, on s'en fout, Toff. Non, c'est important. Pardon, combien mesures-tu, Alexandra? Alors moi je fais 1m71. Combien pèses-tu? Je pèse 61 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 90B. Ah oui, quand même. Quelle est la dernière bouteille de rosé que tu as bu? Qu'est-ce que pour quoi? Je bois que du whisky, Toff. Ah bon, alors c'est ça va, c'est pour ça se comprend. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Eh bah, toi va te déposer une bouteille de Sky. Hein. Donne. Bon, Alex. Oui. Bon, toi, tu nous appelais pour réagir à Loïc. Oui. Ouais. Bon. Eh bah, je t'en prie, Alex. Moi, je suis. Enfin, je voulais surtout réagir pour vous me donner vous des conseils. Ah bon, bah pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai rien fait, c'est que ça va faire 7 ans que je suis avec mon compagnon. Mmh. Et j'ai un petit peu des problèmes alors qu'on s'entend très très bien, on s'adore. Mais on a des problèmes pour faire des câlins. Alors, câlins, c'est quoi? C'est des bourrages? Non, mais faire l'amour quoi, t'as des problèmes à avoir des relations sexuelles. Ah, ouais, ouais, voilà. Et voilà. Mais pourquoi? Depuis toujours? Quand on le fait, ça le fait grave, quoi. Mais ça arrive à quelle fréquence? Et des fois, pendant 3 mois, on fait rien, quoi. Donc, ah oui. C'est... Bon, alors attends, parce que ça c'est un autre problème Alex, mais on va en parler là, reste avec nous. Bah tiens, vous aussi appelez-nous, tiens, si vous êtes dans le même cas qu'Alex et que... Ah Loïc, je t'en supplie, essaye de ranger ton téléphone ou de vraiment enlever le kit Mali parce qu'il y a une espèce d'écho là, c'est une horreur. Non, c'est un extraterrestre qui essaye de rentrer en contact avec nous. Ah peut-être aussi, ouais. Ouais. T'as pas le haut-parleur Loïc? Là c'est bon là? Vas-y. Ah bah là. Ouais, là ça va mieux là. Ah. Ah bah oui, tiens, j'avais le haut-parleur alors que ça fait 10 on fois. On te le dit, on te le dit 20 tiens, fois. Tiens, regarde Loïc. Voilà, coup de ne pelle aussi. Ne pas brancher le haut-parleur. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, alors Loïc, on va parler avec toi dans quelques minutes, donc du coup avec ta meuf. Mais parce que je vois dans le standard, ta meuf fait mal l'amour, mais c'est pas ce que tu nous as dit. Bah, pas qu'elle fait mal l'amour en fait. Si, non, elle fait pas mal l'amour. Le mec sait plus quoi dire. Elle écoute là? Comment? Elle écoute? Ah non, vaut mieux pas non. Ah bah je confirme, ouais. Bon, et donc, alors elle fait ou mal l'amour ou elle fait pas mal l'amour? Non, bah non, elle fait pas mal l'amour, non. D'accord, donc c'est juste que t'as un problème parce que tu la kiffes, mais qu'à côté de ça, t'as envie de te faire kiffer avec d'autres meufs aussi. Ouais, voilà, c'est ouais, juste pour faire ce beau gosse, pour voir d'autres meufs, pour changer un peu en fait. Très bien, ok, ça je comprends. Et t'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait 11 mois. Ah ouais, quand même. Mais elle est pas ouais. au courant, évidemment, là, que t'as été voir à gauche non, à droite. Non. Ah bah évidemment. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Vanessa. Vanessa, très bien, parfait. Bah, comme ça, au moins, elle aura peut-être des chances de se reconnaître, hein, Loïc, tout ça, etc. Bon, Loïc, reste avec nous. Les filles, les garçons, appelez-nous si vous voulez donner votre avis par rapport à Loïc, si vous voulez l'insulter ou si vous voulez vous dire que c'est un beau gosse. 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Il y a un nouveau son qui arrive dans un instant, c'est Nicolas avec Riot. Voilà, je vous le cale pour la première fois dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, ah putain Tof, j'ai une question en direct. Est-ce que tu sais ce que c'est de la phallomancie? La phallomancie? Non. Bah c'est de la voyance, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure justement. Mais pas dans une boule de cristal, ni dans des cartes, ni même dans les mains, ou etc. On pourrait lire l'avenir. Hein. Ouais. Non, on lit l'avenir dans la bite. Ah c'est bon ça. Voilà. Donc je peux lire l'avenir? Mais il faut la couper ou telle quelle? Non, bah regarde le phallomancien, donc regarde sur ton sexe quel est ton avenir, tout simplement, voilà. Donc est-ce que vous iriez montrer votre bite pour connaître votre avenir? C'est la question qu'on peut se poser. Et donc Tof, bah, tu vas proposer des services de voyant de la bite à tes nouveaux amis? Bah évidemment. Eh ben parfait, écoute, on va faire ça dans un instant. Tu veux que je vienne t'enculer, espèce de petite de pute ou quoi? Oui, ça c'était notre ami d'hier, évidemment. Bon, on va faire ça dans quelques minutes. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, eh bien n'hésitez pas, on va les appeler dans quelques instants. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Et le numéro, vous les envoyez sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Il est 23h29, on va faire les premiers appels dans quelques minutes. Retour avec Loïc, avec Alexandra. On va se faire le jeu de la rupture également. Et puis on s'écoute, comme promis, le nouveau son de Nicolas, maintenant sur Fun Radio, c'est Riot sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Le son de Nicolas sur Fun Radio, c'est Riot. Venez foutre le bordel tous les soirs. No Limit. Fun Radio. Mickaël, No Limit. Fun Radio. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous cale aussi dans quelques minutes, Major Lazer avec Come To Me et Shana Paul. Et la petite fée qui dit aussi, lire l'avenir sur la bite, pourquoi pas? Bah oui, écoute, pourquoi pas, ouais. Émilie également, hein? Non, bah on lit bien dans les boules, alors pourquoi pas dans la bite? Oui, bah bien sûr, pourquoi pas, oui. Justement, c'est par rapport, c'est un nouveau système de voyance, quoi. Hein. C'est ça. C'est la voyance nouvelle génération. Ouais, on peut lire l'avenir de la bite. On va faire les premiers appels dans quelques minutes d'ailleurs pour proposer le service à des gens. Il y a Émilie aussi, Mickaël, s'il a trompé sa copine ou qu'il a besoin de changer d'air, comme il dit, bah qu'il la quitte tout simplement. Oui, je suis assez d'accord, hein, sa copine, qu'il la quitte parce qu'elle va souffrir, voilà. Et Cindy qui dit coucou, je m'appelle Cindy, la serveuse du temple, un grand merci. De me faire une dédicace, gros bisous à toute l'équipe. Oui, alors on sera d'ailleurs, je le rappelle, au temple, donc c'est à Épinal, ce sera le 14 juin. Alors vous allez me dire, on a encore le temps de voir venir. Mais comme ça, vous le savez, on passera vous voir à Épinal. On ira faire... Enfin, en tout cas, on va se démerder pour aller faire la revanche du laser game avec Polo, hein, puisque je rappelle qu'Ouavre, il a fini dernier. Oui, il en a... Bravo. Non, bravo. Bravo, Polo. Ouais. Bravo. Et la première fois, j'étais premier, mais comme l'autre espèce de con, là, il a blessé le... On peut pas savoir, il n'y a pas si, de preuve. C'était écrit... Je n'ai rien vu. La preuve, pour le coup, c'est véridique, je n'ai rien vu. Mais moi, je prends la défense de Polo, c'est qu'on était ensemble au même endroit et que moi, je suis deuxième et que lui, il est dernier. Là, c'est ça. Voilà. Donc, non, mais voilà, après, c'est tout. On essaiera de faire la revanche à Épinal. Donc, comme ça, vous le savez, on sera là vers le 14 juin et on vous tiendra au courant, bien entendu. Avant de récupérer Loïc, dans quelques minutes, on va se faire le jeu de la rupture aussi dans quelques instants avec Hugo et avec Youssef. Et avant toute chose, donc, eh ben, la phallomancie, donc, c'est apparemment lire l'avenir dans la bite. Oui. Et voilà, c'est un nouveau système, un nouveau procédé. Donc je proposais tout à l'heure que tu appelles des gens pour leur proposer des services. Mais tu as bien raison, bah allons-y, il y a peut-être de l'argent à se faire. Bah écoute, va savoir, je ne suis pas sûr mais on ne sait jamais. On y va, on appelle le premier grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof comme tous les soirs, toph@funradio.fr. Allez c'est parti, on y va, on appelle maintenant 23h34. Et le jeu de la rupture juste après. Oui allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de venir vous lire l'avenir dans votre bite, monsieur. Pardon? Non, je voulais venir vous lire l'avenir, mais dans votre bite. Va te faire enculer, connard. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Pourquoi tu m'insultes comme ça, connard? Mais je vous insulte pas, monsieur, je pratique la phallomancie. C'est-à-dire que je pratique la phallomancie, monsieur. C'est-à-dire que je lis l'avenir dans les verges. Eh bien, c'est bien, va te faire mettre. Mais vous voulez que je me fasse mettre quoi, monsieur? Ah, il a raccroché. Allô. Non, je pensais qu'il était encore là, mais il a raccroché. On va le rappeler, hein, il avait l'air en pleine forme, lui. Tiens, c'est bien. Très sympathique. Vous êtes bon, hein, parce qu'à chaque fois que vous envoyez des numéros au téléphone, c'est toujours bon. Oui, c'est, ah, c'est ça. C'est... Parfois, ça arrive que c'est pas terrible. Ils sont un peu moins bons. Non, parce qu'ils sont fatigués ou qu'on appelle tard, etc. Mais en règle générale, vous êtes plutôt bon là. Allez, continuez. Hein, toph@funradio.fr. Si vous avez des numéros de téléphone, donc. Allez, c'est parti. On y va. Allô. Oui, bonsoir, madame. J'étais en communication avec votre mari. On a été coupé. Oui. Non, parce que j'appelais parce que je voulais lui proposer mes services pour lire l'avenir dans sa verge. Ah bon? Oui. Non, je pense pas qu'il soit intéressé. Ah, vous voulez pas connaître l'avenir? Ouais, bah. Hé, c'est une heure pour casser les couilles aux gens, toi! Bah, enfin, monsieur, il n'y a pas d'heure pour annoncer les bonnes nouvelles. Ah, merde, mais ça va, 23h36. Mais oui, ça va encore. En plus, tu l'entends bien. La meuf, elle a l'air cool, pourtant. Ouais. Mais oui. Elle a l'air gentille, on la rappelle, du coup. Hein. C'est parti. On remet le couvert, on rappelle chez monsieur. Ou chez madame, je sais pas qui va décrocher. Ouais. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais faut pas le prendre comme ça. Ah. Non mais attendez, c'est pas une heure pour appeler les gens. Non mais d'accord monsieur, mais moi je vous appelle juste parce que je veux vous annoncer des bonnes nouvelles, parce que je peux lire l'avenir dans votre verge. Pourquoi vous faites chier les gens là, le soir comme ça? Mais je vous fais pas chier monsieur, je vous appelle pour vous lire l'avenir. On vous dit que non. Mais je vous dis que non, arrêtez de m'insister parce que moi j'appelle le gendarme et ça va chier là. Mais enfin monsieur, pourquoi vous voulez que ça chie? C'est la dernière fois que vous m'appelez là. Allez faire chier d'autres personnes mais sans moi. Ben, okay. Ben, et oui. Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Ben, dans l'annuaire, monsieur. Oui, il n'y a pas que moi dans l'annuaire. Appelez d'autres personnes, arrêtez de me faire chier. Ben oui, mais vous aviez l'air réceptif, monsieur. Moi, je sens un karma qui passe entre nous. Ah oui, moi, oui, et ta soeur. Je n'ai pas le rapport avec ma soeur, monsieur. Ah, il a nous voir engrangé, dommage. Bon, ben, tant pis, on n'aura pas de nouvelles plus spéciales. En tout cas, on ne sait pas, on n'a pas le premier client. Ouais. Non, je suis vraiment déçu. Alors je suis sûr que si on avait appelé celui-là. Tu veux que je vienne t'enculer, espèce de fils de pute ou quoi? Voilà, je pense qu'on aurait eu quelque chose ouais. de plus ouvert. Ouais, mais il aurait quelque chose sympa. Bah oui. Il y a Corentin qui dit un coup de pelle pour toi car je ne l'aime pas. Bah c'est une bonne raison moi je trouve. Hein. Bah oui. Oh, voilà. Il y a Nadia qui dit voyez en génération 2014, lire l'avenir dans la tub. Est-ce qu'on peut y voir beaucoup de choses à votre avis? On peut voir déjà si un mec a envie ou pas. Oui, c'est ouais. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut voir si. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. On peut déjà pas mal. On peut voir si ça marche ou si ça marche pas. Exactement. Tiens, il y a Snorky55 qui dit moi je peux montrer ma bite si la voyante est bonne et qu'elle a une bonne bouche et des gros seins. Mais bien sûr, Snorky. Mariano Limite aussi sur le Twitter. Ah bah, moi j'ai fait attendre mon mec un an sans coucher. Il était vénère, je suis d'ailleurs toujours vierge. Et Ralph également, balance-moi un petit message de bienvenue, Mike. Et un bien hardcore. Bon, alors attends, Ralph, il faut que j'aille chercher là, mais on va trouver quelque chose de sympa, tu vas voir. Ouais, un sale. Alors attends, j'ai peut-être celui-là là. Fais pas chier parce que ça va vite fait, je vais... Non, c'est pas celui-là le plus violent. Attends. J'ai celui-là, je pense, qui était pas mal. Ça te plaît, cochon petit, là. Enculé. Écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue, petit. Ah, il était lourd, les gars. Ah, on avait demandé du violent, on a eu du violent, hein, moi je vous le dis. Bon, retour avec Loïc et Alexandra dans quelques minutes. Loïc qui nous avait appelé parce que il est avec sa meuf depuis 11 mois, mais ça l'empêche pas d'aller voir à gauche, à droite, parce qu'il a aussi envie de profiter. Mais donc, il a raison. Il voulait savoir si c'était normal ou pas. Mais et puis oui. Alexandra qui, elle, est avec son mec depuis 7 ans, et ils ont des relations très sporadiques, hein, puisque parfois ça peut aller jusqu'à 3, 4 mois sans rien. Et donc voilà, ils ont du mal à faire l'amour. Ouais. Ils ont du mal à faire l'amour, et je voulais savoir aussi, et elle aussi, si vous aussi, ça vous était déjà arrivé de rester longtemps sans coucher avec votre copain ou votre copine. Donc pas si vous étiez célibataire, mais si vous aviez un mec, évidemment. Donc là aussi, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Youssef et Hugo sont avec nous maintenant pour faire le jeu de la rupture. Salut Youssef Halil. Et Youssef qui va couper sa radio. Allô. Salut Youssef, ça va? Ouais, ça va et vous? Bah très bien Youssef, en face de toi il y a Hugo qui est là dans l'un, le 01. Ça va Hugo? Réo Hugo est dans la place. Ah, c'est Hugo Réo qui est là, d'accord. Ah, très bon. Bon, Hugo qui va donc affronter Youssef dans le jeu de la rupture. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu de la rupture? Non. Non, alors je vais te la... Je vais te la prendre, Youssef. Sois le bienvenu, du coup, c'est que t'es nouveau. Alors, le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard. Enfin, vous, en l'occurrence, chacun son tour. Une fois Youssef, une fois Hugo, vous allez appeler des gens au hasard et vous allez leur parler comme si vous étiez en train de casser avec eux. Genre, Youssef, on va faire comme si on appelait ta meuf. Et tu vas lui dire, bah voilà, écoute, c'est fini entre nous, ça peut plus continuer comme ça, blablabla, blablabla. Alors évidemment, si tu tombes sur un mec, il va falloir jouer le jeu aussi, hein, ça, y a pas, on peut pas savoir. Donc ça peut être un mec, ça peut être une meuf, ça peut être un vieux, ça peut être un jeune, on sait pas sur qui on tombe. Le but, arriver à avoir la conversation de rupture la plus longue possible avant de se faire accrocher au nez, d'accord ? D'accord. On fait deux manches, une manche maintenant, une chacune, enfin une chacun plutôt, et juste après la pub, on met le couvert avec une deuxième manche. On y va, c'est parti, qui veut commencer ? Ah non, je vais commencer. Ouais, bah Hugo, tiens, puisque t'as. On va commencer par toi, puisque tu proposes. Allez, oh c'est non. Parti. Ah, c'est Hugo. Allez, vas-y. Peu importe, dès que t'entends plus de musique, tu dis allô. Allô. Allô. Oui. Oui. Donc, enfin, je sais pas si. Voilà. Donc, je voulais juste te dire. Donc, là, tu t'assois. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est qui ? Bah en fait je te répondrai à toutes tes questions après, promis, je te jure, je te réponds à toutes tes questions, mais s'il te plaît, assis-toi, c'est un truc, j'ai déjà eu du mal à prendre ma décision, donc s'il te plaît. Je t'écoute. J'ai des larmes aux yeux, voilà. Donc je voulais te dire, c'est... Attends, tu peux t'asseoir s'il te plaît, parce que c'est violent. Je suis assis, je t'écoute, sans ta connerie. Donc je peux pas faire autrement, puisque, sorry pour moi, mais si ça veut pas continuer entre nous. Ça, je voulais dire, en fait, c'est horrible, parce que ouais, ça marchait tellement bien, je trouve. Il est pas mauvais, Hugo, voilà, hein. T'as un foutu dérangé l'instant, espèce de petit bâtard. Mais non, mais tu te souviens pas de moi. Non, mais... il se souvient pas de toi, alors. 55 secondes, Hugo. Eh, pas mal, t'as bien joué, t'as bien joué. Bon. Ah non. Ah si, t'as bien joué, ça a pas tenu longtemps, mais t'as bien joué. C'est ce qu'on dit aux mecs en général. C'était bien, mais c'était court. Bon, Hugo, 55 secondes. Youssef, à toi, c'est parti, on y va, on appelle. À toi de faire mieux que 55 secondes. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allez. On y croit. Ou pas. Bon, attends, on appelle un autre. C'est pas grave. Faut dire allô, Youssef. Allô. Ah bah Youssef, t'as mis deux heures à décrocher, là, à dire allô. J'ai dit, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. C'est pas grave, on en appelle un autre. Ah, ok. Allez, on y va. Youssef, c'est quoi ce son, là ? Allô. Allô. Ouais, allô. Allô. Allô. C'est quoi ce délire? Attends, on est en train d'appeler le même numéro. Il y a eu un bug dans le standard là pour le coup, c'est bizarre. C'est-à-dire que c'est ça qui s'est passé. Bah, c'est pas grave, Youssef, on en appelle à l'autre là, je sais pas ce qui s'est passé. On était dans une faille spatio-temporelle. Ouais, je sais pas. Bah, c'est bizarre. Allô. Oui, allô. Oui. Ouais, allô. Franchement, allô, tu peux t'asseoir deux minutes? Copieur. Vous êtes trompé de numéro là. Allô, allô. Non, je me suis pas trompé. Franchement, je dois te dire un truc, c'est important. T'es qui ? Franchement, je te dirai tout, t'inquiète pas, promis, je te jure que je te dirai tout. Mais promis, tu dois pas faire deux secondes, je dois te parler deux petites minutes. Tu peux m'accorder, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas le temps, vous avez eu. Non, mais c'est important, franchement, je te jure que c'est important. Franchement, je dois te parler très important. T'es qui ? Je vais t'expliquer après, t'inquiète pas, je te dirai qui je suis. Ah, elle a raccroché. Oh là là, ah, 32 secondes, hein, c'est moins bien. Ouais. Bah, c'est pas grave. Tu l'as soulevé, Youssef, je crois. Youssef, t'inquiète, on va refaire la deuxième manche dans quelques minutes. Vous restez bien sur Fun Radio. On va revenir en direct avec le son de Major Lazer dans quelques minutes. Major Lazer, ce sera Come To Me sur Fun Radio. Allez, restez bien là, c'est Mickaël No Limit. Et puis on est en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Exactement, ouais, on est en direct sur Fun Radio là, 23h48. Ouais. Et ça y est, je vous ai mis le. Enfin, on va vous la mettre la photo. Je me suis mis un petit selfie également. Bah oui, tant qu'à faire. Parce que je vous rappelle qu'on vous demande de nous envoyer vos photos en mode selfie pour qu'on puisse les mettre sur le Facebook de l'émission et envoyez-les sur le mail de Toff. Comme ça, on les met toutes dans le même album. Parce qu'après, il y en a qui mettent des selfies à gauche à droite. Donc le but, c'est qu'on les mette toutes dans le même album. Hey, elle est mignonne, elle, comment elle s'appelle ? Laurie, t'es très jolie, Laurie. Enfin, malgré que tu t'es mis en tête de con, tu peux me permettre, Laurie. Donc allez voir. facebook.com. Ah ouais, t'as mis un com. facebook.com/mikaelofficiel et envoyez vos photos en mode selfie sur le mail de Tof et on vous met toutes et tous sur l'album de l'émission là sur le Facebook. Vous envoyez ça sur toph@funradio.fr. Il y a Mystique qui dit viens, je vais venir te lire ton avenir au fond de ton cul à droite. Il y a Dédé, j'ai du mal à faire un selfie de moi chaque jour, alors en faire 200 par jour, c'est de la folie pure. Et Flavien également, mais il est complètement con lui. On les envoie où les selfies? Bah on les envoie sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et Megumi qui dit moi je veux bien lire l'avenir de Mickaël, ma spécialité c'est la biflomancie, lol. Mais qu'est-ce qui me prend à moi? Bah je sais pas Megumi, mais t'es en forme. Ouais. Bon allez, continuez à nous appeler, venez délire avec nous, prenez le contrôle de Fun. Il y a plus de pub maintenant jusqu'à 2h du mat, jusqu'à la fin de l'émission. Vous appelez le 01 42 48 5000, c'est Sandro qui décroche. La suite également pour la Belgique au 02 851 4x0. Les teubés de la télé arrivent dans quelques minutes. Et le jeu de la rupture, eh ben on va se faire la suite et la fin maintenant. Tiens, le comeback avec Hugo, avec Youssef, toujours là les gars? Ouais. Bon alors, ouais. Je rappelle Hugo qui a fait 52 secondes, Youssef qui en a fait 32. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas grave, c'était le premier essai. Hein. On va voir maintenant comment ça va se passer. Hugo, comme t'as fait le meilleur des deux scores, c'est toi qui recommences, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. En plus, t'avais pas mal géré. On y va, on rappelle le but, donc tenir le maximum de temps hein, avant de se faire accrocher au nez. On gardera le meilleur des deux scores. Et puis, tu vas peut-être repartir avec un casque DJ si jamais tu gagnes. Vas-y, Hugo. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Hein. Allô? Oui. Ouais. J'ai un truc important à te dire. Donc, cherche pas à comprendre. Je te dirai tout à la fin, toutes les réponses que tu veux. Je vais dire un truc, tu raccroches pas s'il te plaît. Je vais dire voilà. Tu vas te faire enculer. Non attends, écoute jusqu'à la fin, s'il te plaît. Putain. Oh comment il te l'a mis profond. Va te faire enculer là. Oh il était bon celui-là. Oh, là, là. Eh bravo Hugo. C'est un ami de Tof, c'est un ami de Tof. Non parce que les amis sont plus violents. Tu veux que je vienne t'enculer? Putain de pute ou quoi? Voilà, tu vois, ça c'est un ami de Tof ça. Bon Hugo, c'est pas grave, on garde le meilleur des deux scores, 52 secondes. Youssef, à toi de faire mieux, ouais, que 52 secondes, hein, puisque je rappelle, ouais, que toute cette semaine, à l'occasion du salon Discom Mix Move, le salon du DJing et du des professionnels de la nuit, c'est Sonovante qui vous offre donc le casque DJ qu'on met en jeu tous les soirs sur Fun Radio. Et on va peut-être te l'offrir à toi, Youssef, ou à toi, Hugo. Youssef, pour gagner, il faut faire mieux que 52 secondes et donc faire 53 secondes pour être sûr. On y va, je te souhaite bonne chance, Youssef. À toi de jouer pour la suite et la fin du jeu de la rupture. Et dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Ouais, allô. Attends, il y a encore la musique là. Allô? Allô? Oh merde, il a raccroché. Attends. Non, on n'est pas des enfoirés, hein, c'est pas grave. On va en appeler un autre, Youssef. Non, ben non, attends, il a raccroché. Il a même pas eu le temps de dire allô que le gars il avait déjà raccroché. Alors attends. Ah, allez, attends, Youssef. Hein, Ben oui, mais non. Allez, on y va, Youssef, on y retourne. Allez. Dès que t'entends plus de musique, tu dis allô. Ouais. Allô? Attends, il y a de la musique en dessous, Youssef. Mets le téléphone plus fort. Allô? Ah. Non, mais t'es pas sérieux, Youssef. Oui, allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je peux te parler de petites minutes, s'il te plaît? Qui c'est? J'ai un truc très important à dire, franchement. Je sais pas comment te l'annoncer, mais... C'est fini entre nous. Ok, bon allez, au revoir. Mais écoute, hein, franchement, je peux te parler de petites minutes. Tu peux attendre deux secondes, non? Eh ben il est parti, ah. Hop là. Eh ben 30 secondes. Hugo, c'est ouais, toi qui gagne. Youface. Oh, nickel. Eh ben bravo Hugo. Oh, nickel. Ouais. Ça, c'est grâce à vous, ça. Vous faites la victoire. Vous savez pourquoi c'est grâce à vous? Pourquoi? C'est grâce au Blood Plus Café que j'ai avalé deux grosses tasses là. J'en ai avalé deux grosses tasses de Blood Plus Café, ça m'a fait tenir. Avalé des quoi? Des grosses tasses de café t'as bu? Non, le Blood Plus Café. Des bonnes tasses, ouais, des bonnes tasses. Ouais, franchement, voilà. je conseille ça à tous les auditeurs qui écoutent, buvez du Blood Plus Café. Bah, au si moins... vous savez pas comment faire, il y a la recette. Hein, sur... Oui, bien sûr. C'est Tof qui avait fait son café particulier là. Bon, eh ben, bravo Hugo, le casque DJ pour toi avec ce novembre, bravo. Et puis Youssef, bah écoute, c'est pas grave. Hein. La prochaine fois, tu retentes ta chance, ouais, et ce sera peut-être pour toi. C'est dommage. Eh ben bah, oui, mais. Bien joué. Bah alors vas-y quand même, Youssef, vas-y, choisis la bonne personne. Poisson, Roubaix, Très bien. Eh ben, le message est passé, y a pas de problème. Salut, salut. Salut, salut. Allez, à bientôt, Youssef. Ciao à toi. Eh, hey, Hugo, t'as envoyé ton selfie ou pas? Ah non, mais là, je sais pas comment on fait. Comment ça? Bah, tu prends une photo de toi, tu l'envoies par mail. Envoie ton cul, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mon cul? Non, d'accord. Tu prends une photo de toi en mode selfie, Hugo, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ce que c'est? Une photo, on fait la grimace. Non, une photo que tu te que tu prends toi-même. C'est genre t'as ton téléphone. Si t'as une caméra frontale sur ton téléphone, c'est tu te prends et tu te regardes pour faire style, c'est bien. Et puis si t'as pas de caméra frontale, tu prends l'appareil, tu le retournes et tu te fais une photo toi-même. Et j'envoie où? Et tu l'envoies sur le mail de Toph, toph@funradio.fr, et comme ça on la met sur le Facebook. Pas de problème. Voilà, parce qu'on a fait un dossier pour l'instant, là on a fait un petit folder sur le Facebook de l'émission, on est déjà pas mal hein, ce soir là. Et les meufs sont mignonnes. Il y a des jolies filles, effectivement. Ouais. Donc sur le Facebook de l'émission, donc facebook.com/MIKL officiel, ajoutez-moi. Et puis bah comme ça vous allez pouvoir suivre tout ça. Pareil sur Twitter. Hein. Là aussi, si vous m'ajoutez, bah, je vous suivrai également. Hein. Donc on se followera mutuellement. Vous tapez MIKL. _, c'est le petit tiret en bas, officiel. Voilà, et Mickaël, officiel. Les boobs filles se font sur polo@funradio.fr. Voilà, pour lui faire un gros fuck également, voilà. Et vous envoyez ça sur polo@funradio.fr sans problème. N'hésitez pas. Salut Hugo. Ok, mais merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Je vous suis tout le temps, je suis au taquet pour tweeter. Je vois ça, Hugo Réo. Il a même perdu son pseudo un jour. Du coup, il s'appelait Réo Hugo. C'était beaucoup moins drôle, évidemment. Évidemment. Salut Hugo, ciao à toi. Allez, à bientôt, ciao. Loïc, le retour, on a Loïc, un autre d'Aix-en-Provence qui est avec nous. Salut Loïc. Salut Mickaël. Ça va, merci beaucoup. Bah écoute, tant mieux Loïc. Bon, t'as passé une bonne journée toi? Eh ben écoute, ouais, figure-toi, j'étais sur une soirée sur Marseille, sur un double bus anglais. Ouais. C'était un petit peu pathétique, ça s'est pas super bien passé. Ah merde, pourquoi? Bon, bah il faisait super froid sur le port, on était plus vite sur le bus. Ah bah oui. Et la musique était très forte, ni parler, ni danser franchement, et et les poubelles en plus à Marseille. Ouais, galère. Non, mais bah, en même temps, quelle idée de faire un truc comme ça en plein hiver. Enfin bon, ok, d'accord, c'est le printemps depuis 4 jours, mais je veux dire, tu vois, il fait quand même encore un petit peu frais là pour le coup. Bon, Loïc, tu voulais réagir à l'autre Loïc qui va de nouveau couper sa radio, le haut-parleur et tout le bordel, hein, parce qu'à chaque fois il rallume tout lui. Voilà, non, je voulais parler à Loïc qui vit dans le péché en fait. Oui, c'est un pêcheur. C'est mal. Mais oui. Le prêcheur vient de notre paroisse. Tu peux te confesser. Il vit dans le pêcheur. Mais non, je voulais lui dire que l'adultère quelque part c'était bien parce que quand évidemment. Tu fais ça quelque part tu deviens adulte. Mais que après quelque part il pourrait être excuse-moi, adultère ça ne veut pas dire que tu deviens adulte. Oui non, fait. Bien sûr, hein, c'est le fait de se tromper sans sa copine ou son copain. Non mais de le faire souvent ça rend adulte, c'est ça que je voulais dire. Ah bon, d'accord, bah, je savais pas. Parce qu'on réalise des choses, on voit le mal qu'on fait aux gens, des choses comme ça. Et ce que je voulais lui dire, c'est que pour moi, c'était lâche de faire ça. Après, je le juge pas hein, quand je dis ça. Je dis que le fait de faire ça, c'est lâche. Et je pense que le vrai courage, c'est de se séparer de sa copine. Parce que si vraiment il était satisfait de sa relation, si vraiment il vivait... Moi, je pense ça. Eh hey, voilà. Sur ton car t'as trop vu toi mec hein, sur ton bus là. Non moi j'ai envie de dire amen. Amen, eh oui. Est-ce que le week-end tu loues des salles des fêtes pour faire des discours comme ça? Tu loues mais pas les fêtes. Soyez fort. Eh oui. Je vais aussi intervenir par rapport à la jeune fille, j'ai oublié son prénom là, qui a des rapports un petit peu. Alexandra qui est avec nous là. Alex. Oui, voilà. Je suis là. Est-ce que tu peux lui faire la position Alexandra, des mains pour qu'elle s'en sorte? Écoute moi je sais pas, est-ce que ton ok toi? Est-ce que quoi? Ça a coupé. Non, il n'y a pas de problème particulier qui font que vous n'avez pas de rapport, je veux dire. Le moi, pasteur, Loïc est là. Oui, le pasteur, oui. Ah, moi, je suis rédempteur, moi, j'essaie toujours. Ouais. Moi, je pense que quand on fait du mal... Attends, parce qu'elle n'a pas répondu à ta question. Ah oui, j'attends, ben Alexandra, oui, dis-moi. Je peux pas parler. Ah bah vas-y alors Alexandra là. Eh ben j'écoute sa question qui me pose une question. Alors, ma question Alexandra, je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui faisait que aujourd'hui vous aviez plus de rapport de plus que tous les trois mois. Voilà. Oui, mais à chaque fois qu'on a un rapport, c'est merveilleux. Pourquoi vous ne le faites pas tous les jours alors? Mais à chaque fois qu'on a Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport justement avec le débit de boisson? Chez lui, peut-être qu'il bande mou du coup, non? T'as tout compris, toi. Et ben voilà, on a mis le doigt dessus, là. Voilà. On a mis le doigt dessus, ben justement. Oui, y a pas de souci. Bah oui, t'en as bu combien, toi, Alexandra, soir, les petits verres, là? J'en ai bu 3. Ah ouais, eh ben tu tiens pas bien. Hein. Ah, oui, mais moi je vous juge pas et. Ah mais on te, qui a dit qu'on jugeait depuis le début. Oui mais c'est très bien, mais j'ai pas dit que je te jugeais. Envoie-moi tes nibards, Alexandra. Moi je vous adore. Et j'adore le rire de Polo. Parce qu'il a le même rire que moi. C'est vrai, il y a de la ressemblance là. Oui, il y a de la ressemblance. Ah oui, ça ressemble, hein, ça ressemble. Lui aussi, il a déjà bu 2-3 verres là, ce soir. Hein. Ah, il a bu de l'eau, ouais. Oh là là, 2-3 ouais. verres de Sky aussi, qu'il a cuvé comme un porte tout à l'heure. Là, comme un... Ah ben voilà. Non, bah, bien moi, sûr. Je suis à la maison, j'ai pas de permis. Mais c'est mieux. Je fais de mal à personne. Ah, bah, c'est pour le bus à Marseille. Oui, bah c'est ça, il prend le bus à Marseille. Ouais, eh, c'est mon ça. Père, j'ai pêché. Non, c'est Pasteur. Oui, voilà, je suis là. Ouais. Donc je voulais dire aussi encore à Loïc. Je veux l'absolution. Voilà. Alors, le mal. Oui, je sais pas ce qui s'est passé dans cette émission ce soir, mais il y a des trucs bizarres. En même temps, je voulais dire que j'ai beaucoup d'intensité. Tu voulais dire quoi, Alexandra? Vous ne moquez pas de moi. Mais pas du tout. On ferait pas ça. Mais non. Je suis tellement contente de passer sur Fun. Mais oui, c'est ça. Ça fait tellement d'années que j'écoute que... voilà. Va droit au but, Alex. Vous moquez pas de moi. Mais pas du tout, c'est pas notre style. Tu sais bien que nous ne sommes pas comme ça. Non. Et je t'écoute jusqu'à 2h du matin. Oui, oui, oui, depuis 6 mois sur ton téléphone portable, puisque tu n'as pas de radio et pas internet. Tu vois, je me souviens voilà. de tout. Voilà. Hein. Bon, et alors qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je voulais simplement dire que ouais. des fois, c'est compliqué d'avoir des relations. Ouais. Je parle à la radio, mon amour. Ah, à qui tu parles? Oui, mon mari est arrivé. Pascal, tu veux leur parler? Oui, passe-nous Pascal. Non, il est parti. Il est parti, comme par hasard, oui, très bien. Bon, ouais. Loïc, déjà, merci à toi d'avoir appelé, en tout cas. Mais écoute, de rien. Et puis tu reviens quand tu veux, Loïc. Hein. Salut à toi, hein. Allez, très bonne soirée, merci à beaucoup. À bientôt Loïc, ciao à toi, bye bye. Bon, alors attends Alex, 2 secondes, il y a Robin également qui est avec nous de Béziers là, salut Robin. Salut. Comment ouais, ça va Mika, c'est pour Loïc. Bon, est-ce que tu peux souffler dans le ballon toi Robin là, pour qu'on voit un petit peu si... Ça va être un peu difficile hein. Ah toi aussi? Oh putain, on a que les... Ils sont tous morts pour ce soir. Eh oui, c'est... En fait, c'est un truc ou quoi? Non, c'est en fait, c'est les alcooliques anonymes. Hein. Donc vous allez tous commencer en arrivant. Ouais. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 19 ans et je n'ai pas bu depuis 10 minutes. Au minimum, voilà, c'est ça. 10 minutes, un peu moins quand même. Ouais, ouais, un peu moins. Ah d'accord, ok. Souffle un peu pour voir là quand même, fais... Oh là là, attends, je te remets un petit coup de spray là. Voilà. Ça voilà. Eh bah ça va beaucoup mieux là. Ça vous êtes en mieux. État d'arrestation monsieur, les voilà. pompiers du véhicule, vous rentrez à pied. Bon Robin, t'as bu quoi là? Whisky, diet, bière, un peu de tout. Oh là là, mais Robin, mais pourquoi et en quel honneur? Faites l'anniversaire à mes collègues. Ah bon bah alors bon anniversaire aux collègues. Bon toi tu voulais réagir par rapport à Loïc qui est toujours avec nous d'ailleurs, tiens. Et Loïc t'es toujours là hein? Ouais ouais. Bon ouais. Très bien. Alors désolé ce soir, hein, toutes les réactions sont mort torchées. Désolé. On pouvait pas savoir. On a eu le père, le pasteur ah, hein, aussi. On a eu le pasteur. Ouais. Alors Robin, tu sais quoi que tu voulais dire à Loïc, toi, vas-y. Ben, je voulais dire que c'était un mongolien qu'il fallait pas qu'il trompe sa copine parce que je sais pas, s'il l'aime, il le fait pas quoi. C'est ça. Attends, il l'entend même en double puisqu'il a toujours sa radio allumée, Loïc. Hein, c'est pas comment comme si ça faisait 4 fois que je te le disais, Loïc. Faut couper ta radio là. Il y a pas la radio. Ou alors c'est chez Robin. Ah pardon Loïc, autant pour moi, c'est Robin non, qui avait la radio allumée. Il pourrait répéter ce qu'il avait dit. Que t'étais un mongolien, tu trompais ta copine. Comment? Que tu trompais ta copine si t'étais un mongolien. Attends, t'as un accent de... j'entends rien. Il dit que t'étais un mongolien parce que tu trompes ta meuf Loïc. Ah mais c'est toi le mongolien. Mais qu'est-ce que tu... Je suis sûr que ça allait partir comme train, ça. Ah oh, ça y est, c'est parti. Tu vas pas commencer à clasher enculé. Mais je te coupe la tête, je te chie dans le cou. Oh, oh Robin et Loïc, voilà, alors, Robin et Loïc. Robin et Loïc, restez calme. Dans l'absolu, il n'a pas tort Loïc. T'as une meuf, profites-en au lieu d'aller voir ailleurs. Mais parce ouais. qu'à un moment, elle va se barrer. Bon, de l'autre côté, Robin, t'aurais peut-être pu être un petit peu plus classe. Mais effectivement Loïc, c'est vrai, t'as une meuf. Pourquoi tu dois voir ailleurs? Elle le saura pas parce que c'est à l'extérieur de la vie. Non mais tout se sait toujours. Non mais tout se sait toujours un jour ou l'autre. Loïc, tout se sait toujours à l'eau, tout se sait un jour ou l'autre, Loïc. Toujours. Un jour, ça va te revenir en pleine gueule. Et le pire, c'est que ça risque de revenir quand tu vas te rendre compte que t'as fait de la merde. Et que tu vas finalement être vraiment te rendre compte que t'es amoureux de ta meuf et tout le bordel. Et puis un de ces quatre, paf, ça va te revenir en pleine tronche et tu vas payer alors que finalement tu tromperas peut-être plus ta meuf à ce moment-là. Et c'est là que ça va être le pire. Enfin, je te le souhaite pas, cela dit, hein, mais ça risque d'arriver ouais, comme ça. Ouais. Que, en fait, moi dans ma tête, j'ai appris que c'est une question de vengeance. Parce qu'en fait, une fois que j'étais plus avec elle, pendant 2 mois, je me suis séparé avec elle. En fait, elle avait embrassé un autre. Ouais. Ouais, parce qu'elle, elle peut pas. C'est de la vengeance, en fait, j'ai envie de. Ouais, non, mais d'accord, mais attends, la vengeance, je peux concevoir, mais tu le fais une fois, c'est bon, t'es vengé, hein, du coup. Parce qu'elle, elle a embrassé un mec, alors du coup, toi, tu te tapes toutes les meufs que tu vois, c'est bon, ça. Non, mais c'est pas depuis, je suis plus trop à fond dedans, quoi. Ah oui, ça, on l'a bien remarqué que t'es plus à fond dedans, ouais. Non, mais après, je comprends, c'est clair que si elle t'a trompé, même un petit peu, je peux concevoir, après, que tu sais, t'as des trucs qui soient cassés. Ouais. Mais à ce moment-là, faut parler avec elle, et puis après, faut la quitter, tout simplement. Et puis après, tu fais ta vie, tu trouves une autre, tu trouves plein d'autres, et puis au moins, t'es tranquille, t'as rien à cacher, t'es drôle dans tes bottes. Ouais. Moi c'est ce que je ferai en tout cas. Bah fais-le d'ailleurs hein, Loïc, c'est le meilleur truc à faire. J'ai réfléchi. Bon bah ça roule, ça marche. Bon bah salut Loïc. Ah je pourrais passer une dédicace par contre. Allez, vas-y ouais. À une seule personne, j'ai choisi la bonne, vas-y. Ouais. Passe une dédicace à mes teams et Vanessa. Très bien. Ah bah le message est passé, bon. Y'a pas de problème Loïc. Je prends une autre ou quoi? Allez vas-y une, allez, je la donne. Bah je passe une dédicace à mon frère Pierre Mardache. Très bien, et bah ça roule et le message. Tout ça à SRC. Et tout le monde. Et voilà, tout et monde. L'embrasse Saint-Dié, tout le 88, voilà, comme ça au moins voilà. le message est global. Salut Loïc. Salut. A bientôt, merci Robin d'être passé également, tu reviens quand tu veux. Ah, hein. Je peux avoir le pack fun. Eh bah bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, y'a pas de problème. Salut Robin. Salut. Ciao à toi, merci d'être passé, d'écouter Fun. Jordan dans quelques minutes, Julien également, Alexandra le retour, avant qu'elle soit complètement torchée. Il y a Laura également, là toujours avec sa colle. On va en parler sur Fun Radio dans quelques instants, juste le temps d'écouter le son de Calvin Harris avec Summer. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et avant ça, évidemment, je l'ai promis tout à l'heure, le son de Major Lazer et Shanna Paul. Maintenant, c'est Come to Me sur Fun Radio. Les teubés de la télé à suivre, d'autres appels avec Toff également. Il est minuit 6, on est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de débarquer, il y a enfin quelque chose à écouter le soir de 23h à 2h. Et le dimanche de 20h à minuit, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Come to me. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que nous. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct évidemment la minuit 10 sur Fun Radio. Toujours la nuit sans pub. Et la petite fée sur le Twitter qui dit un petit apéro en vous écoutant, même si c'est plus l'heure de l'apéro. Mais t'as raison, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Évidemment, il y a Emily aussi. Mickaël, je suis ok, il doit larguer sa copine Loïc qu'on a eu tout à l'heure, évidemment. Nadia également, les auditrices sont jolies, je le remarque, c'est parmi un les truc photos de ouf. Et c'est vrai que vous êtes plutôt mignonnes les filles, oh là, c'est là, bien là, là, là. Donc continuez, je rappelle qu'on a créé un dossier selfie sur le Facebook de l'émission. Vous prenez en selfie. Le plus drôle évidemment c'est le mieux. Vous prenez en selfie et puis on met les photos au fur et à mesure sur le Facebook de l'émission. Donc allez-y, continuez. Pour l'instant en tête il y a toujours notre ami Ludwig là. Il y avait qui aussi? Ouais, Ludwig avec sa tête bizarre là. Et je viens d'ajouter Manon que Polo peut surkiffer. Ah ouais, très bien. Et il y a aussi un très très beau selfie là, avec Harry avec ses gros seins. Oui, enfin, oui, il est très gros ça, mais c'est drôle en tout cas. Il y avait Chelsea également qui était là. Il y a Laura aussi qui nous a envoyé sa photo. Fabien qui se la ramène un peu. Il y avait Yacine aussi. Alors il y a Gauthier, lui, il fait le moque. Le mec vénère, c'est avec les belles coupes de cheveux. Avec un petit survêt, les lunettes. Et puis il se la ramène avec la bouche serrée. Ouais, non, il est pas mode, mal. Mode selfie serré. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, et Déborah, c'est une tuerie. Envoie-moi un mail. J'aime bien Torchon Man également qui est là. Justin également. Je peux les vendre. Kevin, il y a le selfie en mode été au bord de la plage. Il y a Mathieu avec son chapeau là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Seb et tous les amis. C'est mis en mode je suis bourré d'amis. Il y en a plein aussi. Il y a Aurélie qui avait envoyé sa photo également. Candyman. Il y a Laurie qui avait envoyé aussi une photo avec Laurie que j'avais trouvé qui était mignonne. Il y avait Marie dans son bus vide. C'était drôle là aussi. Jordan en mode gay. Lucas de Toulouse qui en mode soie. Il y a une selfie mode alcool également hein. Il y a Sullivan et Toff hein, c'est le chien bien entendu hein. Et puis voilà, il y a Guillaume également. Il y a Alison. Il y en a plein, vraiment vraiment vraiment plein. Il y a Déborah également que je viens de voir aussi bien entendu. Oh là là là. Il y a Jeannette, il y a Mathieu. Ouais, vous êtes nombreux en tout cas. Donc continuez hein, allez-y, on les ajoute tous, tous vos selfies si vous êtes en mode drôle en mode original. Donc vous vous prenez en selfie et puis on met la photo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. On est quasiment 370 000 fans de l'émission qui écoutent l'émission. C'est gentil, en même pas 7 mois, ça fait plaisir. Mais par contre, ça choque que moi qu'en 2014, il y ait une bonne meuf qui s'appelle Jeannette. Non, parce que après, si elle est bien. Mais aujourd'hui, franchement, son nom, il date pas d'aujourd'hui. Si elle est bonne, elle peut même s'appeler Huguette que je la baise, moi. Non, les doux s'organisent là, les doux, il y a pas assez de doux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de jeunes en mode. Mettez selfie, des casseroles sur votre tête, armez-vous de fourchettes, venez les doux. Et Drakit qui dit les selfies, faut les envoyer à qui et où ça? Drakit, mec, t'écoutes l'émission tous les soirs et tu comprends pas. TOPH@funradio.fr, c'est à Tof qu'il faut envoyer les selfies. Tof, on va l'ajouter sur le Facebook. Peut-être mettre l'adresse également. Je sais pas si tu l'as mis ou pas. C'est mis sur le Facebook. C'est Tof qui s'occupe des selfies ce soir. Attention. Oh le beau gosse. Attention. Ah oui, comment Benjamin il s'appelle? Benjamin en demi-coupe. Ah, oh, Benjamin la demi-coupe. En fait, il s'est pris en photo, mais il a pris que la moitié de ses cheveux. Ah, oh, bien vu. Hein. Bien vu. Oh, du coup, son on va voir. Évidemment. Ah, mais il est pas mal. Hein. Bah oui, il est bien. Mais Benjamin, appelle-moi. Il est frais, Benjamin. Romain qui dit salut Mika, ça fait 3 mois que je vous écoute tous les soirs. Je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît. Oui, ah bah bien sûr, avec plaisir. Il suffit de demander. Après, je peux pas en mettre à tout le monde, mais putain, je peux. Ta mère a le sucé les pitons de culier, Cotier. Et ben voilà. Bon, on va parler encore de selfie dans quelques minutes. D'ailleurs, j'attends toujours le selfie d'Alexandra. Là, je pense qu'on peut se marrer pendant 1000 ans. Mais avant ça, on va parler des teubés de la télé, évidemment. Comme chaque soir, vous connaissez le principe, hein, les teubés de la télé. Donc, eh bien, c'est la nouvelle édition. On a fait la connaissance d'une candidate un peu différente. Mais notre people préférée, c'est Jackie, candidate FN et actrice porno de profession. À Bessan dans l'Hérault, sa liste obtient près de 15%. Ce sera une quadrangulaire avec deux divers droite et une divers gauche. Mais Jackie, ça lui va. Les trucs à quatre, elle connaît bien. Ah bah, tu m'étonnes, ils connaissent bien, évidemment. Ouais. Et puis, n'en touche pas à mon poste, il y a Stéphane Bern qui se la ramène un peu, hein. Vous préférez regarder le journal du Hard ou le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur. Non, c'est vrai? Bah parce que là au moins je vais apprendre des choses. Bravo Stéphane. Ouais, attends, tu peux apprendre des choses dans le journal du Hard, hein? Bah oui. Non, mais non, lui il connaît tout, c'est ce qu'il sous-entend. Hein. Ouais, mon père m'avait dit à l'époque, il m'a toujours dit, tu ne peux croire que ce qu'il y a dans les journaux. Journal du Hard étant un journal. Hein. Ah, c'est un journal, donc. Très sérieux, rappelons-le. Bah, complètement, fait par des vrais professionnels. Bah, évidemment, des journalistes de haut vol. Et du vrai journalisme, je le confirme. Ah, bah ouais. Bon, et puis attention, je vais lancer un gros dossier là. On a eu un gros débat tout à l'heure dans le bureau avec Tof et avec Polo là. Est-ce que vous avez vu cette histoire en Angleterre? Encore une fois, vous allez me dire, hein. Il y a un multimillionnaire qui a décidé de ne rien laisser de son héritage à ses enfants. Putain. Rien de chez rien. Donc c'est pas le mec, il a pas 3 euros qui va devoir partager. Hein. Le mec, il a 600 millions d'euros et il le fait pas parce qu'il est en embrouille avec ses enfants ou quoi que ce soit. Non, en fait, il veut juste que ses enfants vivent par eux-mêmes et pas sur sa fortune. Résultat, les 600 millions, il a décidé de les léguer à des assos. Bah ouais, alors, il est légal les assos, d'accord. Je suis d'accord aussi. Alors, si moi j'étais surblindé et que j'avais des gosses, effectivement, je leur dirais pas, quand ils sont jeunes, oui, t'inquiète, de toute façon, tu seras blindé, tu vas tout récupérer, fais ce que tu veux, tu vas même pas bosser, t'en as rien à foutre, tu seras blindé. Non. Évidemment, je demanderais qu'il fasse ses preuves. Et s'il arrive à gérer le truc, après, effectivement, je donne tout. Si je vois que c'est un enculé qui fait n'importe quoi et qu'il sait pas faire, il ira se faire enculer, justement. Mais je veux dire, c'est juste que... Ça fait beaucoup d'enculés, hein. Ouais, mais peu importe. Mais je comprends pas, le mec, il a 600 millions d'euros et il lègue rien. Mais non, mais en plus, il peut mettre une clause dans le testament qui dit que si le mec réussit pas par lui-même, il a pas une thune. Voilà, enfin, par exemple. 600 millions et l'autre idiot teuf qui dit, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais c'est normal, je ne donnerai rien. Non, mais il a raison. 600 millions. Et alors? Et alors, ils vont pas être dans la merde, ils vont pas être en galère. Rien. Ben ouais. Bah tu sais pas. Si, l'article il le dit bien, le mec il les laissera pas en galère, il a dit qu'il allait leur payer leurs études jusqu'à la fin, il surviendra à leurs besoins et après ils doivent bosser pour gagner leur argent. Moi je trouve ça normal. Imagine, ils se font virer, il a une maladie, j'en sais rien. Voilà. Et ben voilà, il peut plus travailler, donc du coup l'autre il a plus rien alors qu'il y avait 600 millions qui aurait pu payer des médecins, j'en sais rien. Voilà, s'il aurait 600 millions, il peut construire de l'armure d'Iron Man ou des trucs comme ça. Regarde, 600 millions, tu pourrais dire avec 600 millions. Bah, mon père il m'a légué 600 millions, je vais me refaire la tronche. Bah non, tu vas devoir rester comme ça. Calme-toi, Polo, n'en meurs pas. Et toi, tu rigoles pas. Non, mais c'est vrai quand même. C'est marrant parce que toi, ça m'avait pas marré. Non, mais c'est pas drôle donc. Pardon. Non, mais voilà, tout ça pour dire que je trouvais ça un peu scandaleux de la part du père, qui donne pas tout, certes, mais voilà, je voulais vos avis. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le mec? Est-ce que vous êtes d'accord avec Toff, avec moi, avec Polo? Bah, vous nous appelez, hein, on en parle, 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Bon. Laura qui est avec nous de Bruxelles, là, Laura. Oui. Toi, tu nous faisais la colle à la base, on va la refaire dans quelques minutes, mais est-ce que tu serais d'accord, toi, avec ce mec? Imagine, t'as 600 millions, t'as des enfants et tu ne leur lègues rien, alors que t'es pas en embrouille, hein. Tu ne leur lègues rien juste pour qu'ils fassent leur vie eux-mêmes. Non. Tu leur lègues un peu, peut-être pas forcément tout. Mais normal. Voilà, tu leur lègues un peu. Oui. Bon, et toi, est-ce que... Bon, Julien, bienvenue à toi, tu nous appelais pas pour ça, mais c'est pas grave. Julien d'Avignon, là, dans le Gard. Oui. Bon, imagine, t'es vieux, ils ont 600 millions d'euros et ils te disent, bon ben en fait, voilà, on est pas en embrouille, on s'entend très bien, mais par contre, t'auras pas un rond. On va payer tes études, tout le bordel, mais après, basta, terminé, plus rien. Bah, je suis blasé. Bah, tu serais vénère quand même, un petit peu. Bah ouais. Je veux, encore une fois, si mes vieux, ils ont 600 millions, je peux comprendre qu'ils donnent à des assos, et tant mieux qu'ils le fassent d'ailleurs, mais bon, il y a un moment, c'est normal que je récupère. Donne 2 millions. Mais je sais pas, quelque chose quoi, un truc. Ah ouais. Voilà, je sais pas, un truc, un minimum. Et si jamais t'es père, toi, Julien, t'as 600 millions d'euros ou moins, enfin peu importe, t'es blindé, est-ce que tu donnerais à tes enfants ou tu préfères tout dilapider ou tout donner? Et du coup, dire à tes enfants, bon, vous allez vous démerder vous-même, je veux que vous y arriviez par vos propres moyens. Non, je donnerai tout à mes gamins. Toi, tu donnes tout à tes gamins. Mais il y a que Toff, pour l'instant, qui pense comme ça, qui pense comme le mec. Mais ouais, moi, je trouve qu'il a raison. Non, moi, je trouve pas qu'il ait raison, moi. Pourquoi? Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi il devrait donner toute sa fortune à ses gamins. Pas toute sa fortune, on est d'accord. Mais non, mais il en a plus besoin, il est mort. Non, il est pas mort là encore là. Non, mais oui, mais là il va rien donner, mais quand il va mourir, il va le léguer. Non, mais voilà, mais qu'il lègue à ses enfants, sous réserve qu'ils aient bien tourné, que ce soit pas des gros enculés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que le mec il passe pas son temps à se droguer, à aller faire n'importe quoi, aller voir des putes, à tout dilapider comme ça, parce que le mec de toute façon il est blindé et qu'il se dit que de toute façon. Ah, mais après, dans cette situation, c'est sûr que je donnerai pas, mais. Ah oui, mais moi non plus, mais bien sûr, non, mais ça c'est clair. Donc, je sais pas, à voir, regarde. Alors après, je sais que tous les fans de Justin Bieber vont gueuler, mais regarde Justin Bieber comment il termine. Le mec, quand on l'a reçu la toute première fois, alors qu'il était personne encore en France ni nulle part, on l'a reçu, c'était un petit gamin qui était super cool, il était gentil. Et puis maintenant, il fait connerie sur connerie, quoi. Ouais, mais parce qu'il est blindé, qu'il s'en branle. Non, c'est différent. C'est la starification qui. Ouais, c'est la starification, mais parce que c'est l'argent aussi. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas. En tout cas, c'était mon avis. Bon, Julie, avant de te reprendre, on va se refaire la colle avec Laura là. Laura. Oui. Quoi? J'ai envie avec Laura. Mais non, avec Laura. Laura. Bon, vas-y, refais péter la colle, Laura, pour gagner le netbook. Ouais, ok. Alors, j'ai 5 doigts. Je ne suis ni des dents, ni des chairs. Qui suis-je? Voilà, j'ai 5 doigts. Je ne suis ni dos, donc d'os, hein, les os, ni de chair, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook. Dans moins de 10 minutes, on donne la réponse, là, facebook.com/Mickaël officiel. Allez-y, maniez-vous, vous pouvez encore gagner, à tout moment d'ailleurs, hein, le netbook qu'on vous offre ce soir. Laura, tu restes avec nous. Avant de prendre Julien, on va prendre Jordan de Tours également, là. Salut Jordan de Tours. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Bah ça va, ça va. Bon, tant mieux. Alors, sois le bienvenu Jordan, tu voulais dire quoi? Bah moi c'était comme... il me semble que c'était Aurélien tout à l'heure ou Loïc qui trompait sa copine. Ouais, exact. C'est Loïc. Bah ouais, ça, Loïc. Bah moi franchement j'ai trompé ma copine, c'est vrai, donc je l'ai fait plusieurs fois. Après bah j'en ai vu ce que ça donnait et maintenant bah c'est vrai que bah je me retrouve un peu comme un con, je me retrouve un peu tout seul quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as trompé? Dis-nous tout là, explique-nous. Bah. Enfin, comment tu l'as trompé? Je me doute comment tu l'as fait, mais je veux dire, comment est-ce que tu t'es fait griller quoi, je veux dire? Bah, comment je me suis fait griller? Bah, c'est tout con. Elle a vu mon téléphone, donc bah, elle a regardé dedans, et puis bah, je me suis fait griller comme ça quoi, c'est tout con. Ah, t'es d'accord. T'es pas très fut-fut toi, hein. Ah, bah non, mais pourquoi t'as fait ça? Bah, parce que je pensais pas franchement que. Ah, bah tu pensais pas, et bah voilà. T'as pas pensé. Ah, bah t'as pas pensé. Tu aurais dû mieux réfléchir. Eh ouais, exactement, ouais. Non, puis bah, c'est vrai que bah, enfin, je l'ai pas fait qu'une fois. Enfin, toutes les copines que j'ai eues, j'ai tout trompé. Donc c'est vrai que. Mais bah, voilà. Tu as raison, il faut vérifier qu'on est bien à la maison. Mais non, mais n'importe quoi. Pourquoi tu les as toutes trompées? C'est complètement idiot. Ça, c'est sûr, franchement, c'est idiot. Parce que bah, dans le sens où tu sais ce que tu dis, enfin, tu sais ce que tu perds, mais c'est pas ce que j'ai retrouvé. Mais c'est dans le sens où bah, tu penses que tu peux avoir mieux, mais bon, t'es pas sûr. Ouais, mais voilà, mais j'ai vu un truc sur Facebook tout à l'heure, c'était ne quitte pas. Attends, c'est quoi? T'es avec une meuf, attends, ne quitte pas celle... Attends. Enfin, c'était bien. C'était beau, mais ça, a priori, ça t'a pas marqué. Non, mais j'arrive ne quitte pas celle qui te suce. Non, mais non, mais qu'est-ce qu'il est con, mais ça n'a rien à voir. Oh là là. Non, ne quitte pas celle avec qui tu es bien pour essayer de trouver mieux. Enfin bon, je sais plus. Mais c'était dans cet esprit-là, quoi. En gros, sois content de ce que t'as. Et si t'es bien avec la personne avec qui tu es, n'essaye pas de chercher d'avoir mieux parce que tu risques de ne plus rien avoir. Mais oui. Grosso modo, c'est ce que ça voulait dire. J'aurais peut-être dû noter. Hein. Oui, ça aurait été mieux parce que là, c'était pas très clair. Bah, c'était pas très clair, mais enfin, on a compris, je pense, le concept. Bon, bah, Jordan, en l'occurrence, toi, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à tromper de vitam aeternam? Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, bah je suis content là comme ça, oh, c'est cool. Jusqu'au jour où ça va te tomber dessus, tu vas tomber amoureux d'une meuf. Ouais. La meuf va te tromper et là tu vas voir ce que ça va faire. Et ça, tu sais quoi? Je te le souhaite. Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que t'es un idiot. Ça, bah c'est sûr, enfin je pense que si elle me trompe, bah je le prendrai mal, mais dans le sens où bah. Mais pourquoi tu les quittes pas? Tu vois ce que je veux dire? T'en as ouais, une. Ouais, je suis d'accord. T'en kiffes une autre, et bah tu quittes l'autre. Tu dis voilà, je suis désolé, voilà, j'ai pas envie de te tromper, t'es honnête. Ah non, mais je la trompe, mais sans aucun sentiment en fait. Je la trompe, c'est juste entre guillemets comme pour le cul, c'est pas pour le sentiment. Ah oui, c'est oui. Pas pour le sentiment, ça va. Tu sais, je connais un mec, j'ai déjà raconté l'histoire, mais je vais quand même le refaire. C'est quand même le plus gros elle enculé. Elle est bien. C'est quand même le plus gros enculé de la Terre, et pour le coup, c'est pas tof comme quoi tout arrive. Mais c'est un enculé quand même. Oui, mais c'est pas moi. Voilà. Il trompe sa meuf. Sa meuf le grille, enfin la prend, bah, je sais pas si ça a été balancé ou pas, j'en sais rien. Et le mec en fait tout ce qu'il dit. Alors écoute bien Jordan, parce que je pense que tu le fais, je le fais, n'importe qui sur Terre le fait, il se fait démonter et ça passera jamais. Et cet enfoiré, ça a passé. Donc il y a sa meuf, donc il s'engueule, ouais. Machin, etc. Il l'a trompé. Il dit à sa meuf, ah non mais attends, quand j'étais en train de coucher avec elle, je pensais à toi. Et tu sais ce que sa meuf a dit? C'est mignon. Elle a pas dit ça, mais pas loin. Plus, hein. Elle a quand même passé l'éponge, quoi. Ah non, mais attends. Elle a fait la guerre, lui. Non, mais ouais, ils sont plus ensemble maintenant aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est quand même scandaleux, t'imagines? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu fais le quart de la moitié de ça, mais tu te prends une claque hein, d'une meuf. Normal. Bah non, lui, c'est passé. Comme quoi, il est toujours la chatte. Hein. Ouais, toujours. Ah, ouais, toujours, c'est un truc de ouf. Bon, bah, Jordan, merci d'avoir appelé Fun. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Ça marche. Salut Jordan, on aura Mickaël aussi dans quelques minutes. Il y a Julien, il y a la colle avec Laura bien entendu. Et puis bah donnez-nous vos avis encore sur ce dossier là, cet anglais là qui a décidé de léguer les 600 millions à des assos plutôt qu'à ses enfants, parce qu'il veut, qu'ils se débrouillent tout seuls les enfants. Voilà, donc appelez-nous, on en parle sur Fun Radio. Il y a les appels de Toff qui arrivent également sur Fun. Ce sera juste après ça. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Juste après le son de Calvin Harris, c'est Summer. When I met you in the summer. C'est Fun Radio avec Calvin Harris, le nouveau à l'instant, c'était Summer, et puis on parlait des selfies aussi. Je vous cale le son de Chainsmokers, c'est nouveau, le titre c'est Selfie. Et en parlant de selfie, je rappelle que depuis 23h, on met toutes vos têtes sur le Facebook de l'émission en mode selfie. Voilà, on est déjà beaucoup là. Et puis beaucoup de jolies filles. Hein. C'est un truc très joli. Ah, je suis très content que les jolies filles écoutent Fun Radio, tiens. Ils écoutent l'émission en particulier, écoutent Mickaël No Limit. C'est très gentil. Comme quoi, on a les auditeurs qu'on mérite. Exactement. Mais c'est parce que tu es beau gosse, Mickaël. Ah oui, ah, c'est gentil. Bon bref, tout ça pour vous dire que si vous avez des photos en mode selfie, drôle évidemment, eh bien envoyez-les-nous sur le mail de Toff. C'est lui qui les met pendant qu'on fait l'émission. toph@funradio.fr. On les met sur le Facebook de l'émission, comme ça vous allez pouvoir vous taguer dessus. Hein, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Adeline qui est arrivée, qui dit ne quitte jamais la personne. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas cette phrase-là exactement, Adeline. Ne quitte jamais la personne que tu aimes pour la personne qui te plaît, car celui qui te plaît te quittera pour la personne qu'il aime. C'est vrai, mais ce n'est pas cette phrase-là que je cherchais malheureusement. Il y a Flop Flop qui dit je suis nouvelle, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah bien sûr Flop Flop, avec plaisir. Attends, je vais t'en mettre un petit là. Je vais t'en mettre un petit sympathique. Qu'est-ce que je peux te mettre? T'es faire un cul au PD. Oui, t'es pas mal celui-là. Bah gros bisous Flop Flop. Émilie également qui dit Mickaël, checker la selfie de Hugo dans son bain, c'est un doux, n'est-ce pas Polo? On l'a déjà là celle-là de oui, oui, elle est dedans, ouais. Ah, elle suit très bien, parfait. Bon, on va aller voir Emilie. Olivier, pardon, qui dit sur le Twitter, c'est vraiment un radin ce daron, même à ses enfants, il donne pas un peu de ses 600 millions d'euros. Mais c'est pas radin puisqu'il donne tout à des assos, donc il est pas radin dans l'idée. C'est juste qu'il veut, il veut que ses enfants se démerdent d'eux-mêmes. Et il suit bien à leurs besoins jusqu'à la fin de leurs études. C'est vrai, mais quand même. Yannès qui dit, c'est pas sympa là, 600 millions, il pourrait en donner un petit peu aux enfants quand même. Ouais, même 10 000 euros, c'est déjà ça. Ouais, mais tu sais, quand t'as 600 millions, je pense que 10 000 euros, c'est un peu comme un euro, tu vois. Mais oui, 600 millions d'euros. Et Nadia qui dit, si moi j'ai 600 millions, je les laisse évidemment à mes enfants en héritage, c'est logique. Dédé qui dit, si le père a 600 millions d'euros, il devrait léguer à ses gosses pour qu'ils puissent vivre tranquillos. Ben, je crois que c'est ce qu'il veut pas non plus, hein. C'est qu'effectivement ils vivent pépère. Mais à côté de ça, il y a une différence entre vivre pépère et vivre aisé. Et ouais. Puis, tu sais, en même temps, le mec il a 40 ans, il dit peut-être ça maintenant, tu vois, histoire que vraiment il bosse et voilà. Quand oui, tu bah viens, peut-être. Il leur dira, bon allez, je vous laisse 10 millions chacun. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'espère. Et Jeanne-Françoise qui dit, un chanteur Jap qui vient d'une famille riche pour lui apprendre à se débrouiller de ses parents, lui ont laissé l'ont laissé au pied d'une montagne. Oui, c'est une idée aussi. C'est une idée. Hugo Réau aussi. Ouais, le gars il a 600 millions et il lègue rien, sérieux. Bah oui, non mais si, il lègue à les assos, mais pas aux enfants, effectivement. Bon allez, on va continuer, on va appeler des gens là, puisque je rappelle que nous sommes tombés sur un nouveau système de voyance. Oui, une très très belle voyance que j'aime beaucoup. Tout à fait, lire dans la bite. Voilà, moi je trouve ça très bien. Exactement. Donc on appelle depuis tout à l'heure des gens afin de leur proposer ce nouveau service. Bah oui, que je puisse leur lire dans leur bite. On n'a pas eu beaucoup de clients très ouverts à ce niveau-là depuis tout à l'heure, faut dire les choses quand même. Non, c'est dommage d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est déçu aussi. Donc du coup, on appelle, c'est parti. On appelle maintenant des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Aussi justement, allez, c'est parti, minuit 31 et on appelle. Ça ne décroche pas, minuit 30, pourtant ça va, c'est pas trop tard. Enfin, si un peu, ça dépend. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que voilà, je suis voyant et je lis l'avenir dans les bites. Comment ? J'ai rien compris, monsieur. Non, je dis que je lis l'avenir dans les bites. Ah, ben vous en avez de la chance. Mais oui, et du coup, je voulais savoir si je pouvais venir faire le thème de votre mari. Ah bah écoutez, pas pour le moment, une autre fois si vous voulez. Bien sûr, bah quand est-ce que ça vous arrange? Ah, attendez, je vais vous le passer. D'accord. On va prendre de la chance. Là, il fait de la voyance dans la bite. Dans la bite? Dans la bite, vas-y. Mais je le mets dans ta lèvre, ça le met perle lunettes. Oui, et donc du coup, je voulais savoir quand est-ce que je pouvais venir faire votre thème, monsieur, hein, pour lire l'avenir dans votre vierge. Oui, mais il n'y a pas de problème, je vais te le mettre dans ta lèvre, ça le met belle perle lunettes. J'ai pas compris, monsieur. Ouais, il n'y a pas de problème. Ben oui, d'accord, et alors on fait ça quand? Ben, quand t'es prêt, quand t'as tiré tes lunettes, je vais te le mettre. D'accord, mais moi je suis prêt, monsieur. Ouais, mais moi, il n'y a pas de problème. Bon, et ben on fait ça demain, alors? Ouais, pas de problème. Bon, je peux passer vers quelle heure? Ben, entre 90 moins le quart et 90 et demi. Ben, bien sûr, c'est... Ben oui, évidemment. Et de quelle heure, alors? Ben, de 90. Ah, de 90? Parce que vous parlez en 90? Ouais. Vous préférez pas que je passe vers 70? Non, 90. 90, ah, vers 90, je passe vers 90 alors, d'accord. Voilà. D'accord, eh ben écoutez, je passerai vers 90 alors. Y'a pas de problème. Allez monsieur, hein, à demain vers 90. On mettra à 6 devant. D'accord, à 6 devant, donc à 6h90 je passe. Ouais, à 6h90, ouais. D'accord, ben je passe à 6h90. Armoire. Ben au revoir monsieur, à demain. C'est que j'ai l'impression qu'elle dit armoire. Ouais, moi aussi. Armoire. À 90. Ouais. Passez à 90. Eh ben, on passe à 90. Ben, on passera à 90, avec plaisir. Enfin, quoi que, pour l'homme, à mon avis, il sera un peu en avance, il sera plutôt à 70. Je préfère 70. Ouais, bah, j'imagine. Ou alors 99. D'accord. Il y a Julie qui dit ne lâche pas la femme de ta vie pour la salope de la nuit. C'est ça? J'aime bien celui-là. Bisous l'équipe, j'adore votre émission. Ben, merci Julie, mais effectivement la phrase est pas mal. Mais c'est encore une fois pas celle-là que je cherchais. Émilie également qui dit je suis ok avec le mec, les assos en ont aussi besoin. C'est vrai, mais je pense que partager est pas mal. Et Black Giraffe aussi sur le Facebook. Salut l'équipe, bonne soirée avec vous. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Et Laura également, là, comme tous les soirs, écoutez Fun Radio, mais surtout Mickaël de 23h à 2h. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Eh ben oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a Aurélien avec nous des Sables d'Olonne. Salut Aurélien. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bon, bah très bien aussi. Alors toi, tu voulais réagir par rapport à l'anglais là, qui veut donner les 600 millions d'euros à des assos plutôt qu'à ses enfants. Ouais, ben moi je les donnerais à des assos. Ouais, pourquoi? Je pense que dans le monde maintenant, comme on a un contexte un peu difficile économique, je pense que des associations en auraient bien besoin. Ouais. Et puis, je pourrais bien gérer. Et aussi, racheter Fun Radio. Tu veux racheter Fun Radio? Je sais pas. Avec 600 millions. Ouais. Avec 600 millions. Ouais, 600 millions, ouais. T'es large. Non, mais t'es large. Mais pourquoi tu veux racheter Fun? Est-ce que tu veux virer Tof si tu rachètes Fun? Ah non, lui, je le garde pour que tu lui mettes un coup de pelle. Merci, c'est gentil. Très bien. Voilà, tiens, hop là, ça y est, c'est fait. Bon, bah, très bien, mais bon, et donc, ce serait nouveau patron Aurélien. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et donc, toi, si t'as ton père qui a 600 millions d'euros et qui dit, écoute, mon fils, je vais tout laisser à des assos, donc t'auras que dalle, tu dis, oh, bah, d'accord, ok. Bah, ouais. Oh, ouais, mon cul, ouais, je suis sûr que si c'était vrai, je suis sûr que tu le vivrais vachement plus mal, non? Ou alors qu'il dépense tout. Ouais, voilà, oui, voilà. Claque moi, tout, voilà, le daron, il peut. Soit il crame tout dans les putes et tout. Tu sais, mec, enfin, n'importe quoi. Il prêche pour sa paroisse. Ou alors, tu vois, il y a un moment donné, ou alors, qu'il donne à ses enfants, mais il donne pas à des assos, on a rien à foutre. Non, quoi. Si, il y a des assos, je suis d'accord de donner, mais il faut laisser un peu pour la famille aussi, quand même, minimum. Attends, il y a Jean-Pierre également, qui appelle de Montguillon, là. Salut Jean-Pierre. Ouais, bah, Jean-Pierre. Je sais qui c'est qui le fait. Jean-Pierre. Allô. Oui. Ah, comment ça va, JP? Allô. Bonjour. Ça va? Salut. Ça va? Bon, t'appelles de Charente-Maritime, toi, dans le 17. Voilà. Alors, tu voulais réagir à l'oseille? Non, mais simplement, il a raison, il a tort. Voilà. Alors, il a raison ou il a tort? Il a les deux, hein. Eh, on va se voir à 90, toi et nous. Ouais. Et moi. Non, mais... les deux. Moi, j'ai 4 mômes. Ouais. Il y en a trois que j'aide. Bon, j'ai pas 600 millions. Hein. J'en suis loin. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai quand même deux sociétés qui marchent bien. Donc j'ai pas 600 millions, mais bon, je peux m'adopter. Je suis un peu un clochard, j'ai que 500 millions. Il y en a trois que j'aide un peu, hein, puisqu'ils ont réussi à faire quelque chose, donc je les aide. Il y en a un qui, bon, le rien, il peut crever. Hein. Je l'aiderai, je lui donnerai pas un centime. Si non, mais voilà, on est d'accord. Il faut qu'il réussisse par lui-même. On est absolument. On est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. Chacun a son rythme. Mais voilà, après. Il est peut-être plus lent. Voilà. Oui, voilà. Ça aussi, ouais, c'est possible. Rappelle-toi le lièvre et la tortue. Exactement, ouais. Oui. Oui, sert de courir. Ouais, JP. Est-ce que je peux te poser une question? Bah vas-y, tant que t'es là, profite. Tu vois. Je t'écoute tous les soirs. Oui. Et il y a quelque chose qui m'intrigue. Dis-moi. Le fameux Jean-François, c'est du pipeau, c'est pas réel. Ah non, bah en tout cas peut-être qu'il se fout de lui de notre gueule, mais c'est pas non, un acteur, non, c'est ça que tu veux savoir. C'est vous qui le... Non, ce qui est réel, ce mec-là, c'est pas possible. Ah si, si, mais par contre, ce qui est du pipeau, c'est Cristal et Vanessa, ça voilà. Oui. Non mais ça, j'ai bien compris, Comment mais... Tu oses dire que nous sommes du pipeau? Oui, Cristal. Oui, d'accord, mais le mec, le Jean-François, c'est vous-même... Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est Jean-François, je t'assure. Ah, ouais, je vais t'expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont l'habitude qu'il y a plein d'émissions qui soient pipotées avec des faux auditeurs, des faux sujets. Alors ça se passe non, en face. Je croyais, parce que à ce point-là. Non, mais c'est vrai que je peux concevoir. Il y a tellement de pipeaux à gauche à droite. Mais sincèrement, je vous jure qu'ici, rien n'est faux. Bah rien. Alors, faut l'enfermer, hein. Je préfère faire une émission de moins bonne qualité, mais avec des vrais auditeurs, que de faire semblant de faire une émission de bonne qualité même qui en fait est mauvaise. Les Saints de Sandro sont vrais. Voilà, même les Saints de Sandro sont vrais. Les likes sur Facebook sont vrais, tout est vrai. Hein. Eh ben, c'est gentil en tout cas, Jean-Pierre. Tu vois. Allez. Eh ben, tu reviens quand tu veux. Salut JP, à bientôt. Salut. Ciao. Salut. Aurélien, merci d'avoir appelé. Tu reviens toi aussi quand tu veux. Ouais. Mickaël. Ouais, Aurélien. C'est possible de le voir en Pac-Man? Bah, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse, Aurélien. Merci. Avec plaisir. Salut Aurélien, à bientôt. Okay. Ciao. Ciao. Bye bye. Retour avec Alexandra aussi dans quelques minutes. Il y aura Mickaël, ne bouge pas de là, de Saint-Sébastien là, Mickaël. Julien comme promis. Et puis on va se faire la gagnante ou le gagnant avec la colle. Maintenant on est un peu à la bourre là, c'est parti. Allez hop là. Laura est avec nous, toujours de Bruxelles. Laura. Oui. Et ben on va donc appeler maintenant pour offrir le netbook. Soit tu le gagnes, soit c'est quelqu'un d'autre qui le gagne. Le principe était donc très simple, comme chaque soir. Tu as posé une colle. Jusque là. Tout va bien. Tu as donc posé une colle, les auditeurs ont répondu, on va donc tirer au sort maintenant. Et puis si la personne qu'on appelle a la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne et c'est elle qui perd. D'accord ? Ok, ça va. Allez, c'est parti, on y va. On appelle le ou la gagnante éventuelle. On écoutera aussi Chainsmoker juste après avec Selfie. Il y aura Clean Bandit aussi avant 1h du mat. Et si vous voulez écouter des sons, bah, vous demandez. Hein. Hashtag et Mickaël, surtout comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Allô ? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Thomas. Nora. Thomas. Oh, doux. Oh, hey, doux. Tu vois de l'autre jour. Ah, toi, t'es plus que doux, hein. Comment ça, de l'autre jour? Mais de jeudi. Oh là, tu es en... Et t'es un attends, bébé doux. Attends, de jeudi de quoi? Mais il y a deux semaines. Hein. J'ai fait la colle. Ah, et quand t'as fait répéter 15 fois la même phrase? Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, Thomas. Oui. Il y a Laura qui a une colle à te poser, vas-y, Laura. Alors, j'ai 5 doigts, je ne suis ni d'eau et ni de chair. Qui suis-je? Un gant. Un gang. C'est quoi un gang? Ouais, vas-y. Non, mais c'est. C'est un gang? Non. Un gang. Un quoi? Un gang, c'est ce que tu dis, non? Ouais, non, non. Bah, il est doux. Attends, mais. Eh, viens là, attends, je vais te tirer les oreilles, là. Petit donc, doux. C'est un gang? Non, un gang. Ah, donc un gang, alors donc c'est perdu alors Thomas. Un gang. Ouais, bien sûr. Mais non, mais tu dis un gang. Oui, bien sûr. Bon, réessaye pour voir. Un gang. Allez, t'es trop doux Thomas, t'es doux. Ouais, c'est gagné. Ouais, un gang. Ding. Un gang. Un gang. Un gang. Polo, tu peux me donner les gangs? C'est quoi un gang? Un gang. Oh, on rigole. Oh, t'es doux, c'est bon. Oh là là. Bon, Laura, malheureusement, ben, c'est perdu. Tu t'es fait niquer par Thomas avec son gang. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, Laura. Tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Ok, ça va, merci. Hein. Bon, ça roule. Ouais. Salut, Laura, gros bisous. Au revoir. Dis donc, Thomas. Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau encore à sortie? Bah, je t'écoute. Hein. C'est pas une excuse. Minuit 41, tu devrais dormir depuis bien longtemps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en plus, tu réponds. Ça le doux, va. Hein? Ouais. T'as cours de quoi demain là? Français. Eh ben, il a raison, il y a un N à français. Pourquoi on le prononce pas? Français. Il a raison, français. Et quoi d'autre? Sport. Bon, ok, d'accord. Mais c'est sport. Pas beaucoup, t'as que ça. Bah oui, demain c'est mercredi. Oui, c'est ça, oui. Demain il est en mode pépère, hein. Demain il est en mode enculé. Demain en mode tranquille, je fous rien demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, il va être tout sale. Un doux, c'est sale, c'est ébouriffé. Ouais, c'est ça. Il va traîner avec son survêtement. Avec l'épi. Ouais, c'est ça. Avec l'épi sur la tête. Plein la gueule, là. Bien sûr, ouais. Ça, c'est un vrai. Et t'as quel âge, Thomas, au fait? 13 ans. 13 ans, d'accord, ok, très bien. Et tu dis pas 13 ans? Ah non. Ah non. Eh, défends-toi, c'est tough, hein. Vas-y, le doux. Ouais, mets-lui un coup de pelle, tiens, regarde. Clique-le à la gorge. Voilà, tu peux lui mettre un coup dans la gueule. Moi, voilà. Celui, s'il avait 600 000 euros. Je les donnerai à toi, frère, pour qu'ils soient face à face. C'est vrai, mais c'est gentil. Mais d'ailleurs, si vous avez 600 000 euros, n'hésitez pas à donner-les moi. Je suis une association caritative. C'est ça, ouais. Save my face, je vais faire ça. T'as raison, Thomas, t'as raison. Mais quoi, qu'est-ce que t'as dit, Thomas? C'est une association pour les moches, oui. Ça va s'appeler Save My Face. Pour les moches. Eh ben, très bien. Bon, Thomas, bravo, le netbook est pour toi. Merci. T'as gagné quoi, là? Le netbook. Le netbook, eh ben voilà, exactement. Eh, fais-nous un selfie, Thomas, là, qu'on voit ta gueule. Ah ouais, fais-nous mais un selfie. Je l'ai fait, avec ma sœur Marine. Non, tu l'as envoyé? Mais oui, vous l'avez mis. Ah bah, attends, mais moi je veux voir. Bah attends, il y a... Mais on la voit pas bien. Comment ça, on voit pas bien? Mais parce que c'est avec Réplica, du coup, on voit pas bien. Attends, il faut que je vois, là. Ah non, c'est pas laquelle... Quelqu'un voit ou pas, là? Attends, tu ressembles à quoi? C'est quoi la photo qu'on puisse te reconnaître? Y'a un mec avec un chien, c'est pas toi? Ouais, vas-y, c'est pas le chien. je suis avec ma soeur, y'a 4 photos. Ah oui, attends, on voit rien, mais alors qu'on voit vraiment rien. Mais j'ai commenté cette photo. Ah oui, c'est celle où on voit que d'elle, c'est une des débuts là. Oh, ouais. On dirait des monstres. Oh putain, on dirait des monsters. Ouais. Oh là là, on dirait Chucky, la poupée du diable. Et puis un auditeur qui s'est envoyé en mode selfie avec les abdos. Eh, c'est bon, j'ai les mêmes. Arrête un peu ton cinéma là où il se la ramène là. C'est pareil, c'est juste que moi je suis humble. Tu vois, oui, je me la ramène pas. Alors il y a aussi une belle photo à Hugo à l'envers également, en mode poirier sur son lit. Oh là, c'est là pas mal. Là, quel talent, quel talent. Et puis Virginie également en mode bisous aussi. Gros bisous, Gwen. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commenté la photo où je suis avec ma soeur. Eh ben tant mieux, tu me racontes ta vie là, Thomas, ou pas là? Non, mais pour que tu me voyes. Oui, mais on te voit. Ah ouais, qu'on voit sur ta photo de profil. Ouais. Alors attends, y a Rock'n'Roll également là, une fille qui a mis les cheveux à l'envers avec les lunettes et tout, c'est marrant. Alors attends, y a quoi, où est-ce qu'elle est? Ah ouais, c'est Alexandra, non? Polo là que t'as kiffé là. Ah, je les ai toutes kiffées. Non, Virginie. Ah d'accord, ok. Et c'est surtout Déborah que j'aime bien. Ouais, Alexandra qui n'a pas mis décolleté, c'est bien dommage. Avec un col roulé en plein printemps là, c'est quand même malheureux. Ah ouais, mais par contre elle a une de ses paires de seins. Ah ouais, là effectivement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et Manon aussi qui est très mignonne. En fait toutes les filles sont dessus. C'est un truc de vie. Il y a Monique. Autant les mecs moyens là, mais bon. Non mais cherche Monique. Attends, je suis d'abord en train de rechercher. Allez, viens en même temps, hein, qu'on cherche ensemble sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Mais il y a juste une seule photo. Non, il y avait 4 photos. Oui. Ouais, c'est un truc de 4 photos. Ouais. En noir et blanc, mais là. Si, mais je l'avais vu en plus tout à l'heure, là. Je l'avais vu, donc allez-y, cherchez en même temps si vous voulez, là. Et puis je vous commenterai la photo de l'ami Thomas, là. Putain, je l'avais tout à l'heure. Elle est où cette photo à la con, là? Bon, bah, je crois qu'elle a été bannie de Facebook, là. T'as viré, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, mais qu'il est doux! Délit de sale gueule. Ah, voilà, regarde, Thomas. Regardez la douceur du mec! Putain, t'as la tête que j'imaginais, Thomas. Avec la raie sur le côté et tout. Parfait! Non, mais c'est parfait, Thomas! Eh, hey, Thomas! Ouais. Eh, hey, oh, tu vas mettre tes gants ou pas, là? Ah, ouais. Bon, bah, très bien. Tu vas mettre tes gants pour dormir? Oh, non. Ah, bon, bah, pourquoi? Bah, parce qu'il fait chaud. Bon, bah, très bien. Il y a Flop Flop qui dit il est tout doux, le Thomas, on dirait de la cajoline. Non, mais c'est vrai. Bon, bah, salut, Thomas. Hein. Bon, mais ciao, merci. Eh, ben, bon, mais ciao et à bientôt. Hein. Ciao. Salut. Tu veux écouter un son, Thomas, ou pas ce soir? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Chainsmokers avec Selfie. Tiens, tu ne connais peut-être pas encore, je vais te le mettre maintenant. Ah, ouais, je connais, il est bien. Ah, tu connais, toi, t'es un tueur, toi. Salut, Thomas. Ciao. Allez, ciao. Allez, à bientôt. Et continuez avec vos selfies. Vous les envoyez ça sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Non, on va les mettre et vous les envoyez sur le mail de Tof. Je mélange tout, moi. Oui. toph@fanradio.fr. Allez-y. Allez, minuit 46 sur Fan Radio. On va se faire le son de Chainsmokers maintenant. Et c'est Selfie, c'est le titre justement, puisqu'on en parlait. Tiens, donnez vos avis. Tiens, on écoute ça maintenant. Pour bien comprendre, Mikaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Mikaël nos limites, de 23h à 2h sur Fun Radio. Évidemment, en direct, hein, bien entendu, hein, tous les soirs, il est minuit 50, vous êtes sur Fun Radio et vous faites bien y être. Tous les soirs, on est là de 23h à 2h, le dimanche de 20h à minuit, car vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. N'oubliez pas de le préciser d'ailleurs, hein, si jamais vous tombez sur un mec qui vous appelle pour vous demander quelle radio vous écoutez, répondez bien Fun Radio. Hein. Mais 23h, 2h. Dites-le, même si c'est votre père, votre grand-père, on n'importe sait jamais. Qui, allez-y, dites-le. Exactement. Ouais. Dès quelqu'un vous appelle, j'écoute, voilà. Mickey. Sur Fun Radio. Voilà. Précisez bien sur Fun Radio. Comme ça, tout le monde le saura. Voilà. Exactement. Il y a Hugo Réo qui dit moi, j'ai jamais douté de toi, Mickaël, au grand Mickaël et son larbin Tof. Merci, Hugo Réo. La petite fée qui dit moi, si je rachète Fun Radio, je vire Tof direct. Oh. Bien. Et Megumi qui dit bah oui, Polo, il va faire un don à la sauce des doux, vu qu'ils sont gouvernés par un glandu comme toi, mort de rire. Et Koubra aussi, peut-être qu'il le fait exprès pour pas que les enfants prennent confiance. Et au final, avant de mourir, il va leur laisser quelque chose. Oui, mais voilà, après, ça, c'est possible aussi. Et why not, en effet. Bon, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu aussi dans quelques minutes. On va d'abord récupérer, on aura Philippe pour parler de l'argent, Alexandra toujours qui est là depuis le début, il y aura Mickaël également qui est avec nous. Salut Mika. Salut. Comment ça va? Ça va et toi, Mickaël? Bonjour à toute l'équipe. Eh ben, salut. L'équipe te salue, Mickaël. Bon, t'appelles de Saint-Sébastien, toi, c'est ça, en Loire-Atlantique? C'est ça. Très bien. Bon, alors Mika, tu voulais dire quoi, toi? Non, je veux réagir par rapport à la petite discussion d'il y a un petit moment, là, du coup, comparé à... Ah, de Loïc, qui trompe sa meuf. Aux infidélités, un petit peu. Tout exact, ça, ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, juste pour dire que bah moi, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine, en fait, et j'ai eu l'occasion, par des amis communs, de repasser une soirée avec une de mes ex. Et j'ai dormi avec elle, et du coup, il s'est rien passé, malgré une petite tentation, mais il n'y a rien eu. Donc quoi, on peut être fidèle malgré les tentations, en fait. Mais oui, mais bien sûr, mais attends, mais c'est même pas... Tu sais que même en étant pas maqué, moi, ça m'est déjà arrivé de dormir avec des filles sans qu'il se passe rien. Ben oui, ça dépend de... Ah, bah, tu vois. C'est compliqué quand même, un petit peu. Bah, pourquoi? Oui, c'est très compliqué. Mais non, mais attends, mais n'importe quoi. Mais ça, oui, m'est déjà arrivé de dormir avec des meufs, il s'est absolument rien passé, et puis voilà, basta, c'était pas... Un... Mais comment ça dépend des meufs en même temps, mais bon. Non, mais la fille était super bien. La fille était super bien. Non. Mais voilà, c'est juste que... Je pense que c'est le syndrome de notre époque qui veut que, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une meuf, il faut que tu la baises. Sinon, bah, t'as, oui, un bouffon, c'est... Mais non. Sinon, ça sert à rien, une meuf. Bah, ça dépend des meufs, mais je pense que c'est une maladie qu'on a. Non, bah, enfin, je sais pas. Après, t'as des filles avec qui t'as envie, puis t'as des filles, voilà, je sais pas. Enfin, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de dormir avec des filles, effectivement, sans qu'il se passe un truc. Une petite généralité au niveau des mecs, en fait, une petite généralité qui fait que, bah, tout le monde dit que, enfin, beaucoup de filles disent qu'en fait la plupart des mecs vont coucher avec la première voilà. meuf venue alors que mais c'est clair, mais moi ça m'est déjà arrivé. Bon, j'étais même célibataire pourtant. On est catalogué pour rien en fait. Ouais. Mais, bon. Mais moi ça m'est déjà arrivé, j'étais célibataire à l'époque, ça m'est déjà arrivé d'avoir une copine qui était venue dormir à la maison, je l'ai même massé parce qu'elle avait mal au dos, bah ça il s'est rien passé hein. Ouais, masser, mais bon, après... Non mais c'est pas parce que tu la masques que t'es obligé d'aller la baiser, tu vois. C'est-à-dire bah que oui, tu peux la masser. Après si elle te dit si, enfin j'en sais rien moi, si elle te dit bah masse-moi l'entrejambe tout le bordel, bon bah c'est qu'il y a une idée derrière la tête. Je veux dire c'est pas parce que. Non mais tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire que t'es une meuf et t'es avec un ami ou un meilleur, ton meilleur ami, tu peux pas lui dire bah tiens j'ai mal au dos, tu peux me masser, bah non parce qu'il va croire que on en. Enfin tu vois, alors que non. Ouais, mais une fois que tu l'as mis à poil, c'est quand même dommage de pas en profiter. Quoi. Mais elle est pas à poil, elle peut rester en soutien-gorge. Elle est pas obligatoirement obligée d'être à poil. Mais ça, toi, évidemment, il peut comprendre. Hein, ça, c'est oh là là. Ah bah oui, non. Ah non, bah je sais que tu peux pas comprendre. Je sais bien. Ah, il est chaud, toff. Bah, ah toujours, bah... moi. Mais non, mais lui, dès qu'il voit une meuf, de toute façon, dès qu'il y a une meuf, il vient lui parler, c'est qu'automatiquement, il va pouvoir se la serrer. Voilà. Mais bon, une fois sur 25, ça marche. Ouais, c'est déjà pas mal, cela dit. Hein, mais voilà. Bon, attends, on va quand même demander l'avis d'Alexandra. Attention, attention, mesdames et messieurs. À mon avis, il y a quelques verres qui sont passés depuis 23 heures. Alex. Oui. Bon, est-ce que pour toi, est-ce que est-ce bah, nous que, pas, par contre. Est-ce que pour toi, Alexandra, dès qu'on dort avec quelqu'un, on est obligé de coucher avec? Pas forcément. Non, oui ou non. Dormi avec un ami et j'ai rêvé. Ouais, donc on n'a pas dormi ensemble, hein, parce que j'ai raconté la même histoire, mais que ce soit clair. Mais bon, après, ça peut arriver. Après, avec un ex, ça reste un petit peu tendancieux, sur le coup. Ouais, avec un ex, c'est un peu tendancieux, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, ça peut, c'est, oui, c'est vrai. Mais maintenant, après, avec quelqu'un que tu connais pas, avec une amie ou un ami... Avec quelqu'un que tu connais pas, oui, ça peut arriver. Après, avec quelqu'un que tu ne connais pas, effectivement, bah peut-être que tu peux passer une nuit et puis voilà, forcément tu vas. En même temps, tu dors pas avec quelqu'un que tu connais pas. Je peux juste dire une chose. T'as dit tout à l'heure non, que j'étais bourré. Je ne suis pas bourré. Mais si t'as dû me dire que t'avais déjà picolé. Mais oui, mais c'est pas pour ça que je suis bourré. Ah non, bah demander, non. Là. Parce que tu parles d'une. Tu parles comme quelqu'un qui est bourré, hein, tu sais, en réfléchissant et en. C'est ma voix. C'est ah non, mais c'est un peu les expressions, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a le même rire et c'est... Voilà, non, arrête. Mickaël, toi qui es un grand professionnel dans le domaine, bon, est-ce que tu penses qu'il y a un verre dans le nez ou pas? Bah, je dirais 2-3, un petit coup de chauffe, quoi. Ouais, voilà. Mais je suis bien. Mais oui, mais t'es bah, très bien, bah tant mieux, mais nous aussi. On est tous bien, on est tous en forme, c'est génial. Lit, dans ma couette. Non, on veut pas le savoir. On veut pas savoir où t'es. On va pas savoir. Bon, ben merci Mickaël en tout cas d'avoir appelé. Bah, de rien, je serais possible d'avoir un petit pack fun ou pas? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse. Moi, vous me lâchez okay, pas, hein. Salut Mickaël. Ah, bah, justement, merci, j'allais dire. Soirée. Salut Mickaël, j'allais dire au revoir à Alexandra là. Ah non! Ah, bah, si. Pas, ah, bah, non, elle va encore boire une bouteille avec nous. Ah, bah, non, mais qu'est-ce que tu vas dire en plus, Alexandra là? Bah, moi, j'ai besoin de vous parler. Mais encore. Mais encore. Est-ce qu'on peut appeler Gilou ou Jean-François là? Parce que je pense que ça peut être pas mal. Bah, y a pas de problème. Moi, je peux jouer avec vous. Oui, bah, très bien. Alors, Alexandra, bah, alors reste avec nous justement. Tu, on va en parler dans quelques minutes de tout ça. Il y a aussi Philippe qui est avec nous, qui voulait réagir par rapport à l'oseille là. Salut Philippe. Ouais, salut Mickaël. Salut à tout le monde. Ça va bien dans le Pas-de-Calais? Ah, impeccable dans le Pas-de-Calais. Bon, tant super mieux. Bien. Bon, moi, je voulais réagir par rapport au titre. À l'anglais. Donc, l'anglais qui a 600 millions d'euros et qui a décidé de tout donner à des assos au lieu de donner à ses enfants. Parce qu'il veut pas que les enfants se disent bon, ben moi, je vais rien foutre et je vais avoir la fortune de papa de toute façon. Exactement. Et ben moi, je vais dire qu'il a parfaitement raison. Si ses enfants, c'est des cons, hein, qui s'occupent jamais de leur père. Qu'ils n'ont pas un petit coup de téléphone, papa comment vas-tu, machin, ils n'ont rien à foutre de leur père. Moi je dis qu'il a parfaitement raison de donner le pognon à l'association. Non, le mec c'est un multimillionnaire, je pense qu'il s'en bat les couilles de ses enfants lui. Et, pas forcément. Il est... Non, mais les mômes sont encore petits, tu vois. Ah ils sont encore petits? Bah, ils ont une quinzaine d'années. Et donc, ah ouais, bah voilà. 15 ans c'est pas petit hein. D'accord. Non mais bon, 15 ans, tu te démerdes. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Ouais, ah mais bien sûr. Non mais en fait je pense que comme je disais, moi je suis d'accord sur le principe. Si j'ai des gosses et que je suis blindé, si je vois que les mecs, enfin que les enfants se débrouillent, tu vois, même s'ils sont pas ingénieurs, enfin tu vois, je m'en branle, hein, tant qu'ils ont un travail et qu'ils se démerdent, quoi, même s'ils galèrent un peu, mais qu'ils se démerdent. Et effectivement, je leur laisserai tout ce qu'il faut pour qu'ils soient pépères. Mais non, si je vois que le mec c'est un connard, enfin tu vois, c'est qui se la ramène, qui fait toutes les conneries possibles, imaginables, sous prétexte que papa est blindé et que de toute façon papa va toujours le sortir de là parce que de toute façon c'est papa et qu'il a le bras long. Et ben non, là ils vont chier parce qu'il aura pas un rond, il aura pas mon aide. On est tout à fait d'accord. Alors on est d'accord. C'est très bien. Moi je te garantis que les mecs qui s'occuperaient pas de leur père, je garantis qu'il y a rien du tout. Non, mais voilà. Je préférerais les donner à Toff. Ouais. Merci, c'est gentil. Voilà, bon. En même temps, tu penses pas que c'est le contraire, c'est au père de s'occuper de ses enfants? Non, mais ça dépend quel âge il a le père. Même. Bah, il a 40 piges. Ouais, le père, non, mais là, il a 40 piges. Mais si par exemple le père, il en a 70-80, c'est normal que les enfants s'occupent des parents. Ouais, c'est logique, c'est la suite logique des choses. Mais pour moi, si le gars il réagit comme ça, si le père il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec les enfants. Non, ils ont 14 ans. Bah, peut-être qu'il y a eu des problèmes. Ouais, mais tu peux être un sale mine merde à 14 ans, hein. Tu peux être un gros enculé. Ça ça peut, mais on sait pas, en même temps on n'est pas anglais. Peut-être qu'il a, comme disait Toff, il a peut-être juste fait ça pour leur foutre les boules et pour qu'ils se sortent les doigts du cul et après il va peut-être, tout leur donner. Ouais, justement, pas. Peut-être, pour les faire bouger leur cul, ouais. Peut-être, peut-être. Bon ben merci Philippe d'avoir appelé Fun, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ah, mais c'était un plaisir de vous avoir au téléphone, plaisir de vous écouter. Eh ben c'est gentil Philippe, salut à toi. Salut Mickaël. À bientôt Philippe. Bon allez, bougez pas sur Fun Radio, on va revenir, il y aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. On va se mettre également, on va se mettre bien avec Pharrell Williams. On va chiller pendant que Toff va chier. Voilà, et puis on aura aussi un nouveau son là que je vais vous caler dans quelques minutes. Mister Probs avec Waves. Là aussi on va chiller. Voilà, je vous le cale dans quelques minutes, donc restez bien là. Et puis, plus proche de nous, c'est le son de Clean Bandit qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Rather Be. Ben, continuez à nous appeler, hein. On est là jusqu'à 2h du mat, donc on est pépère. 01 42 48 5000, on est au cœur de la nuit. Sans plus, profitez tous les messages avec le hashtag et Mickaël. Et ben, venez balancer vos messages. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit, Mickaël, sur Fun Radio. Et évidemment, en direct, 1h03 sur Fun avec Sony aussi, qui envoie son message sur le Twitter de l'émission. Mickaël, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? J'ai déjà demandé, mais j'en ai toujours pas eu un. Bah oui, mais ça arrive, hein. Après, on peut pas en mettre tout le temps non plus. Attends, je vais t'en mettre un bien bon là pour l'attente. Ouais, alors attends, hop là. Vous êtes PD ou bien je pensais que vous êtes un gros PD, Massissi, hein. Voilà, il y avait aussi Sarasvati, pour info, j'ai refusé l'héritage de mon père. Ah bah ça dépend, parce que tu peux refuser un héritage ou l'accepter, mais ça peut être, c'est pas parce que tu as un héritage que c'est d'office positif, hein. Bah oui, parfois tu te ramasses les dettes, hein. Ouais, parfois tu te ramasses les dettes. Donc quand t'as un soupçon, il vaut parfois mieux te dire bon bah tant pis. Donnez ça aux associations. Ouais, donnez ça aux associations. Mickaël, je t'écoute depuis l'Arabie Saoudite, un petit message de bienvenue s'il te plaît, c'est Youssef. Ah, depuis l'Arabie Saoudite, oh, sympa. C'est fou, ça. Bon alors attends, je vais t'en mettre un aussi. Depuis l'Arabie Saoudite. Tu viens ici, je te boire ta gueule, t'as compris? Voilà. Voilà, comme ça, Youssef, au moins tu sais ce qui t'attend. Je rigole. La petite fée également qui envoie son message, je confirme, elle a balayé quelques verres depuis tout à l'heure. Elle a du mal à parler. Mais je confirme aussi, Alexandra, là. Tu vois, tout le monde le dit, il n'y a pas que moi, hein. Oui. Oui. Je suis là. Bon, Alex. Oui. Il y a Jean-François qui est avec nous également. Ça va, Jean-François? Ça va et toi? Eh bah, très bien, Jean-François, en pleine forme. Comment vas-tu, Mickaël? Bah, très bien, Jean-François. Comment ça va depuis la dernière fois? Depuis jeudi, je crois. Jeudi, ouais. Oh, ça va très bien. Bon, bah écoute, tant mieux alors, impeccable. J'ai pas on a pas de nouvelles de Gilou, je m'inquiète aussi d'ailleurs, Gilou. Mickaël. Ouais, Alex. Pourquoi tu me fous, Jean-François? Bah, pour parler avec toi, tu dis que tu voulais parler. Bah, il est là, tiens. Bah, moi, je préfère parler à Polo. Ouais, mais Polo, il est aux toilettes. Ouais. Il fait caca. Ouais. Comment elle s'appelle, mademoiselle? Elle s'appelle Alexandra. Ben, je te la présente. Tiens, Alex, Jean-François, Alex. Alexandra. Pourquoi elle veut me parler à moi? Oui, comment tu vas, Jean-François? Tu m'entends, Alexandra? Pardon? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va? Et toi? Moi, ça va. Moi, je vous regarde à vous quand on, j'ai une mission à accomplir. Ça, t'es toujours regardé à vous. Hein. Bah, mais moi, j'ai fait 5 ans de Légion étrangère. C'est normal. Rapport, ah, mais... t'as fait la Légion étrangère. Ah, c'est un militaire. Ouais. Hé, hey, chante-nous. Tiens, voilà du boudin. Jean-François. Tiens, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Bah, la Légion étrangère, c'est leur chanson. Ouais, non, mais c'est... C'est pas un vrai légionnaire. C'est un légionnaire de la bite. Michael. Oui. Tu sais ce qui me ferait plaisir, que tu mettes la chanson du légionnaire Gainsbourg. Oui, ben, oui, bien sûr. À l'occasion. Très dance floor. À l'occasion. Et tu sais, Michael, j'adore le rock. Putain. C'est vrai, bah, tu es bien servi ici. Waouh. T'as bien niqué sur du rock'n'roll. T'as bien niqué sur du rock. Oui. Hein, et toi, Jean-François? Pardon? T'as bien aussi niqué sur du rock? Hé, hey, Michel, le rock, pourquoi tu m'as mis? Attends, Alexandra, je suis en train de parler à Jean-François. Ah, j'aime plus le rock. Oui, j'aime plus le rock. T'aimes plus? Quand j'avais 16 ans, j'aimais bien le rock. Mais plus maintenant. Là, je vais avoir 49 ans et... C'est quoi ton style de musique? Qu'est-ce que t'aimes bien? Mon compagnon, il a 48 ans et... Et tu racontes ta vie, Alexandra. Il était punk. Ouais. Et donc, qu'est-ce que t'aimes bien, Jean-François, pour l'instant, là? Moi, j'aimerais que tu me passes, c'est légionnaire, ce Gainsbourg. Oui, mais oui, on va voir. Et autre chose, sinon, là, non? Mais si Alexandra t'appelle? Ouais. Oui. C'est le compte Alexandra. Il n'y a pas de souci. Bienvenue sur Bourré FM, la radio de Bourré. Jean-François. Oui. Tu vas aller? Oui, toi? Ben, moi, ça va, oui. Bourré FM. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce soir? J'ai dormi. T'as dormi, mais tu dors tout le temps? Je dors, je suis un gros dormeur, moi. Ouais, comme moi. C'est force de branler. On ne fait pas être ensemble, tous les deux. Non, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Mais j'aime bien dormir aussi. Et vous aimez baiser ou pas? Est-ce que ça baise un peu? Mais j'aime bien le sexe aussi. Ah bah voilà. Eh ben moi aussi j'aime le sexe. Bon attends, Jean-François. Oui. Tu te devines qui a téléphoné au standard? Alexandra. Écoute, mets le téléphone plus fort. C'est dingue ça. Bon, Jean-François, tu te doutes bien. Oh là là là là. Bon, hop, terminé. Bon, Jean-François, tu te doutes qui a téléphoné? Je me doute qui a téléphoné. Qui a appelé la radio, là? Et qui veut te parler? Non, je sais pas. T'as aucune idée? Aucune idée. T'es certain que t'as aucune idée? C'est pas... C'est le pape, ouais. Non, c'est pas le pape. Elle va gueuler, hein. C'est Cristal. Ah, Cristal. Eh oui, Cristal. Elle va être en colère, hein. Ah oui, bah oui, bah en plus t'as oublié son nom, alors t'imagines bien. Colère, hein. Bon, Cristal, ça va? Allô? Oui, Cristal, comment ça va depuis jeudi? Ça ne va pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a ça encore? Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que en plus il me trompe et il m'a oublié. Non mais il a pas oublié, il s'est souvenu. Oh là là, putain, on travaille sans Mario de là. Oh là là. Il m'a oublié. Mais non. Bon. Cristal, c'est pas oublié. Si, tu m'as oublié, tu savais même plus comment je m'appelle. Cristal. T'es qu'un salaud. T'es qu'un salaud. Mais t'as pas en colère comme ça. Et moi, est-ce qu'il m'a oublié, Cristal? Oui, il se souvient plus de nous. Alors qu'on l'a fait jouir et tout. Oh là là, il criait son nom et il nous a oubliés. Jean-François. Jean-François. Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Et toi, c'est comment? J'ai ton prénom. Ah, il m'a oublié aussi, Cristal. Il se souvient pas de nous. Attends, dis-moi le pas. Allez, sur le bout de la langue. Ben oui, moi j'ai un truc sur le bout de la langue aussi, mais si tu me donnes pas mon prénom, je pourrais rien faire. Tu veux, je te laisse ton tito? Non, je veux d'abord que tu me donnes mon prénom. Parce que bon, non, on t'a pas oublié. Violette. Mais non, pas Violette. Oh là là là là, qu'est-ce qu'il est nul. Ça commence par un V aussi. Un V, Valérie. Un V. Non, oh là pas là, Valérie. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Ça Ça commence par VA. Moi, je lui suce pas la bite aujourd'hui. Dis-moi de être gentil. Quoi? Dis-moi de être gentil. Quoi? Allez, dis-moi de ton prénom. Non, tu devrais le retenir. T'as retenu le nom de Cristal et t'as pas retenu le mien. Non, il m'a oublié. Putain, je m'excite avec cette voix. Il m'a complètement oublié. Non, il a retenu ton nom, pas le mien. Alors que la dernière fois, c'est toi qui voulais baiser. Cristal, je t'ai pas oublié. Non. Mais tu m'as oublié. Non, Cristal, il t'a pas oublié. Moi, il a oublié mon nom. Oui, mais nous, on n'a pas oublié ça. Jean-François, crie ton nom. Oui, Jean-François. Dis-nous ton nom. Dis-moi non, ton nom. Non, crie ton nom, Jean-François, allez, j'en ai assez. Allez, conne pas. Je m'appelle Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, tu crois pas. Bah, comment ça, tu me crois pas? Tu t'appelles Marie-Thérèse? Je m'appelle Vanessa, mais t'as oublié. Tu te souviens de rien, salaud. Vanessa, voilà. Voilà. C'est un salaud. Oui, t'es un salaud, un tu m'as déçu, salaud. Jean-François. Fais-toi pardonner maintenant. On est toutes les deux, fais-toi pardonner. Je me fais pardonner, je m'excuse. Non, crie ton nom. Crie ton nom plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Encore plus fort, tu dois te faire pardonner. Jean-François. C'est tout ce que tu peux faire. C'est pas avec ça que je vais jouir aujourd'hui, hein. Va falloir que tu fasses mieux. Mais j'ai une crie copine plus fort, en ligne, là, j'ai une copine en ligne avec Sandra. Tais-toi, je veux t'entendre crier. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Non, c'est nul, plus fort. J'ai les voisins, moi. Je m'en fous. Tu avais qu'à pas oublier mon prénom. Ou alors dis-le de manière un peu plus excitée. Non, mais dis-le de manière un petit peu plus excitée pour nous exciter justement, Jean-François. Parce que là, t'excites rien du tout. Je suis déçu. J'ai déçu, hein. Oui, tu m'as complètement déçu. Bon, allez, Jean-François, Cristal a les jambes écartées, qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'apprendrai bien. Tu la prendrais bien avec toi? Au marché? Je la pénétrerais. De quel côté? Côté droit. Ah, du côté droit. C'est pas la réponse escomptée. Non. On dit devant ou derrière, Jean-François, enfin. Non, je la prends pas derrière. Par devant, oui. Par derrière. Ah, oui. Très bien. Et qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Ça m'intéresserait. Mais ça, je laisse Cristal, elle a une gorge plus profonde que la mienne. Oh oui, je t'avalerai tout entière. Si tu cries ton nom bien fort. Et toi, Oui, tu vois, tu ne te souviens déjà plus. Ah, mais il y a tellement longtemps que je n'ai pas eu au téléphone. On t'a eu jeudi, dis donc. Une semaine. Même pas. Même pas une semaine, je l'ai déjà oublié, mais je suis hanté. Alors qu'on t'a fait jouir comme un cochon, deux fois de suite. Ah, j'ai joui, hein. Quoi, déjà? Non, pas maintenant. Ah ben pas oui, pas voilà. Suite. Bon, allez, vas-y, Christa est en train de te sucer, là. Ah, Christa, suce-moi. Oui, je vais te bouffer la bite, comme une grosse chienne. Je vais te faire une gorge profonde, tu me racleras les amygdales avec ton gland. Oui. Ah, ça te plaît, ça, mon cochon? Oui, ça me plaît. Ah, oui. Mais on n'entend rien, là, Jean-François. Oui. Et tu ne dis pas ton nom, Jean-François. Oui, moi, je voulais être Sandra. Tu vois, tu veux nous tromper encore. Tu vois, tu veux qu'on se barre. Tu nous aimes plus, Jean-François. Alors que nous, on n'avait qu'une envie, c'est que tu nous démontes. Et tu nous mets tes grands coups de courtin. Immédiat. Comment? Allô? Oui, attends, parce que là, j'ai repris un peu, parce que là, avec les deux qui gueulent là tout le temps. Ouais, là. Gueule, faut qu'ils gueulent. Oh, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Allez, je dois avoir leur règle, Jean-François, qu'est-ce que je te dise? Moi, elle doit avoir leur règle, là. Bon, Alexandra? Oui, je suis là. Bon, tu veux Jean-François ou pas? Ça m'intéresse pas tellement. Ah bah voilà, ah bah Jean-François, une tôle. Ah, une tôle. Ah bah ça arrive, hein. Pourquoi ça m'intéresse pas? Je ne sais pas, Jean-François, je pense que nous allons quitter cette phase spatio-temporelle. Bah, très gentil, hein. Oui, oui. Je peux le faire monter très haut. Où ça, dans l'immeuble? J'habite au premier étage, Alexandra. Pourquoi je t'intéresse? Je voudrais savoir déjà. Ta voix m'intéresse. Ah, c'est ma voix qui te, qui l'intéresse. Elle est très féminine et... Ah bon? Et particulièrement sensuelle. Elle est sensuelle. Ouais. Ben, c'est très gentil de ta part. Ça fait plaisir d'entendre ça. On a pu conclure tous les deux. Alors, tu veux que je te fasse... Je suis pas moche, je suis pas beau, mais je suis pas moche. C'est très clair tout ça. Oui, c'est pas clair tout ça. Mais tu veux que je te fasse monter? Hein? Tu veux que je te fasse monter? Ouais. Eh ben alors on y va? Ouais. Bah, tu vas le faire monter où? Où? À l'étage? Bah, je vais le faire. Mais dis les mots. Je vais le faire jouir. Il va monter avec moi. Voilà. Je veux bien que tu me fasses jouir. Tu veux que ça fasse jouir? Ouais, moi jouir. Eh ben alors, vas-y, commence à te caresser. Moi, attends, je me caresse. Mon caleçon. Là, ils nous entendent plus. Ils sont en train de discuter entre eux, là. Comment? Moi, j'ai une petite nuisette et porte-jartel. Ah, bah, oh, très bien. Tu m'excites. Parce que tout le monde met des porte-jartel pour rester chez lui. Bien sûr. Moi aussi, j'ai des porte-jartel. Là, quand ça grossit... Et je me caresse. Et je me fais bien grossir, bien monter le petit clito. Moi, je suis avec toi, là, que je te pénètre. Pardon? C'est moi, je suis avec toi, que je te pénètre. Oui. Sur négatif, hein, j'ai pas si. Mais là, tu vas un peu vite. Il faut savoir que le mec d'Alexandre est à côté. Négatif. Il hein. Faut se remémorer tout ça. Hein. Pardon? Je suis zéro. Ah, je bande, là, je bande. Vas-y, bande. Je bande, monte. Vas-y. Moi, je me caresse et je monte. Je vais jouir et je me caresse. Oh, il se branle, ça y est. Je me tape mon petit clitoris, ma petite chatte. Ah, ta petite chatte, j'aime bien aller chier. Pardon? J'aime bien aller chier, ta petite chatte. Ah, ben oui. Lécher le clito. Ah, ben, lèche. On a tué les gens, regarde, écoute. Je t'ai fait écoute. Il y a 19 cm. Là, il se prend la concentration. Voilà, alors vas-y, maintenant, amuse-toi et vas-y. Claque-toi les fesses. Allez, Jean-François. Dis-moi ton nom. Jean-François. Oui. Maintenant, c'est elle qui crie, on va pas s'en sortir. Je me branle. Eh ben, dis-moi ton nom, Jean-François. Voilà, Jean-François. Jean-François. Voilà. Tu veux... Jean-François. Jean-François. Voilà. Je veux t'entendre dire ton nom. Tu veux que le bruit quand je me masturbe. Oui. Et alors, je veux que tu me dises ton nom. J'ai entendu. Voilà. Oui, je t'ai entendu. Et je veux que tu me dises ton nom. Tiens. Dis ton nom. Dis-moi ton nom, Jean-François. Mais toi, dans le vagin. Oui, ça y est, je l'ai. Mais dis ton nom, Jean-François. Et toi, dis ton nom aussi, ça m'excitera. Alexandra. Oh putain, ils voulaient leur nom mutuel. Alexandra, Jean-François. Alexandra, Jean-François. Cristal, tu viens me rejoindre? Cristal? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, chauffe-moi, bouffe-moi les tétons. Ah, je te les mange. Ah oui. Ah, je suis tout excitée. Je te lèche, je te les mange. Je suis en train de masturber. Ah oui, dis ton nom, Jean-François. Il y a plein de femmes là, sur un circuit. Dis ton nom. Mais il y a Vanessa également, Jean-François. Ah oui, on est toutes là. Vanessa, c'est... t'es là? Oui, oui, je suis là. Non, c'est moi. Mais je sais que c'est toi, je disais que t'étais là. Ah oui, je suis là. Moi, je vais avec Sandra. Oui. Je vais tromper Cristal. C'est pas grave, on va faire un plan à plusieurs. On va faire un plan à plusieurs. Moi, là, je suis en train de me masturber. Mais branle-toi. Oui. Branle-toi fort. Qu'on t'entende, écris ton nom. Mais oui, il faut qu'il crie son nom. Va jusqu'au bout, Jean-François. Ton nom, toi aussi. Il y a Cristal qui est en train de te lécher les couilles. Ah oui. Oh, je les bouffe. Et Vanessa est là? Oui, je suis là. Oui, on est toutes là. On est toutes là, on va te pour faire toi, jouir. Jean-François. Mais dis ton vas-y, nom. Vas-y, continue, écris ton nom. Dis ton nom. On est là. Jean-François. Vas-y, plus fort. Jean-François. Jean-François. Le plus fort. Ça t'excite, ça. Ah oui, écoute, Jean-François, écris ton nom. Mais écoute, Cristal, il n'en peut plus. Oh là là. Elle est jusqu'où? C'est elle est chaud, regarde la régulante. C'est tout mouillé partout. Je suis là, les filles. C'est excitant. Elle est grosse, elle fait 19 cm. Oui, oh, c'est mais énorme. Pauvre mec. C'est énorme. J'ai mis un chat qui joue en une semaine. Éclate-moi la chatte. Ah, je t'éclate la chatte. Oh oui, si. Écris ton nom. Oui, continue à crier ton nom. Crie ton nom si tu veux me l'éclater. Voilà. Crie ton nom. C'est Alexandra qui te dit. Alexandra n'est pas un chat. Oui, c'est fait, tout le monde. Il y est. Masturbe-toi, masturbe-toi. On continue, on continue. Oui, oui, on vas-y. Continue. Allez. Jean-François, crie ton nom. Crie ton ça nom, Saligo. Allez. Allez, ébranle-toi, même fort. Jean-François. Allez. Pour moi, allez, Jean-François. Je vais te faire jouir, je vais te faire jouir. Oui, oui, allez, ça. Vas-y. Oh, Jean-François. Vas-y. Continue, on t'entend pas. Allez, vas-y. Écoute. J'entends rien. Ah oui, là j'entends. Ah oui. Allez, Jean-François. Oui, oui, on entend, ça nous excite. Ah oui, je suis toute chaude, mais crie ton nom. On est toutes mouillées. Ton nom. Ton nom, Jean-François. Il y a même Paulette qui est avec nous. Allez, Sandra. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de te faire, là? Elle est en train de se faire jouir là, comme nous toutes. Ouais, exactement. J'ai mon doigt dans la chatte. Les couleurs. Oui. Oui. Quelle couleur? En noir. Oh là là. Oh, c'est excitant. Tu sais, Cristal, elle se en train de se faire un end-fucking. Oui. Elle a sa main dans le cul. J'ai vraiment un doigt dans mon minou. Ah oui, moi j'en ai deux, trois, mais quatre. Moi, elle s'en va à la maison chez moi. T'en prenais pas la chatte. Ah oui. Pardon? Je comprends rien. Si tu serais chez moi avec mon moi, moi aussi, t'en prenais pas la chatte. Bon, Jean-François, t'es là ce soir, là. Vas-y, jouis, oui, Jean-François. Il est un peu long, oui. Oui, c'est un peu long. Amy, si tu arrêtais de parler aussi, crie ton nom. Voilà, crie ton nom. Crie le fort, Jean-François. Jean-François. Allez. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore. Allez. Jean-François. Allez. Oh, vas-y, continue. Arrêtez. Ça nous excite. Je vais avec Sandra. Elle est là. Je divorce avec Cristal. Je suis là, mais je peux pas crier trop fort, moi. Non, parce qu'elle a déjà ta bite en bouche. Mais jouis, jouis. Mais jouis, attends, attends, Cristal est en train de jouir. Oh là là, ça vient. Ça vient. Avec ma queue, je suis bien sentimentale. Oh oui. Je vais jouer, Alexandre. Dis ton nom, Jean-François, je vais jouer. Oui, moi aussi. Moi aussi, je vais jouer. Eh ben, tout le monde joue, ils sont tous ensemble, oui. Et dis-moi ton nom, Jean-François. Vas-y. Jean-François, vas-y. Dis-moi ton nom, Jean-François. Jean-François. Plus fort. Voilà. Plus fort. Jean-François, dis-moi ton prénom. Oh, Alexandre. Non, c'est Jean-François, tu dois dire, tu ne comprends rien. Non, je vais avec Sandra, dis. Vas-y, joue avec Sandra. Mais c'est Jean-François, tu vas entendre ton joueur. Mais si tu veux jouer. Vas-y. Je vais jouer. Vas-y. Vas-y, Alexandra. Vas-y, avec tes bas noirs, là. Ben, dis-moi ton nom. Jean-François. Dis-moi ton nom. Jean-François. Plus fort. Dis-moi ton prénom. Jeff. Jean-François, il y a Vanessa et Cristal. Dis-nous ton prénom. Oui. Oui, dis-le. Allez, vas-y. Cristal. Non, caresse-toi, c'est le tien, Cristal. Que tu dis. Eh oui. Vas-y, je te pénètre, là, je te pénètre. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il est long ce soir, il a pris des performances ou quoi, lui? Ah, je vais jouir, hein, je vais jouir. Mais vas-y, jouer. Allez, vas-y. Alexandra, Mais dis ton prénom. Jean-François. Dis ton prénom. Jean-François. Si je te prends en levrette par la nuque. Fais comme tu veux, mais jouis, putain. Si je te prends en levrette par la nuque. Ça vient. Déchirez-vous les vidéos cahiers. Ça vient. Vas-y, jouez. C'est trop tard. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god! Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Je pense qu'il faut un peu de chiller là. Ah oui, et moi je vais chier. Ah ouais, bah, c'est une bonne idée, tiens. Bon, ah bah je suis content, ça y est, Jean-François a eu sa dose là ce soir. Hein? Oui. On est pas mal. Il y a plein de messages qui sont arrivés, je vais lire dans quelques minutes. Après Pharrell Williams, il y a maintenant, c'est Marine Monroe sur Fun Radio. This one goes out to all the lovers. Pharrell Williams avec Marine Monroe, l'instant sur Fun Radio. Oh là là, il y a eu des messages là. Il y a eu Ness qui dit les gens qui débarquent tout de suite sur Fun Radio, ils devaient se demander quoi là tout de suite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Julia aussi, moi aussi je vais jouir. Sempayer Cass sur le Twitter, je suis bord de rire, j'en peux plus. Il y a Cobra aussi, vous êtes grave là, je vais gerber. Oui, nous on a gerbé, hein. Heureusement on avait la poubelle à côté. Il y a Mystique qui dit je vais réveiller tout le monde tellement je rigole là, vous êtes des barges. Fabrice également, trop bon, j'en pleure de rire. Yacine aussi, ils sont sérieux là, je suis pété de rire un million de fois. Benji Spears également sur le Twitter là, oh putain, je suis en fou rire. Sabrina aussi, Émilie aussi, ton émission porte bien son nom, il y a vraiment plus de limites. Oh, il y en a vraiment jamais eu avec nous. Non, on sait pas très bien ce que c'est les limites. Quand Fun nous a pris au début, on a fait semblant. Histoire 2. Maintenant qu'on sait que plus personne n'écoute de la direction, on s'est mis plus au pépère quoi. Perrine aussi, les feux de l'amour en direct là. JF il change de meuf plus souvent que de slip. Oui, alors ça c'est vrai hein, par contre hein. Vous êtes des barjots là, c'est Frédéric qui a envoyé le message. Trop bon, je suis mort de rire. Léa également là, merci de me faire rire, j'adore votre émission. Et puis Titi aussi, Mickaël, tu peux passer une dédicace à ma petite sœur Sonia. Gros bisous Laetitia, et ben gros bisous à toi Laetitia. Puis t'es rire, je me retiens de rire là, c'est Andreas qui a envoyé le message. Bon bah merci beaucoup, écris ton nom plus fort Jean-François, c'est la petite fée qui a envoyé le message. Oh ça va, je pense qu'il a assez cité là son prénom hein. Oui c'est pas mal là, c'est je bien. Pense ouais. Avant de faire le chéri, je peux te faire cocu comme tous les mardis. Eh bien nous allons encore une fois appeler des gens bien entendu hein. Des gens sympas. Des gens sympas bien sûr, et pour qu'on puisse lire leur avenir dans les bits. Allons-y. Voilà. Donc on va faire ça maintenant, c'est un nouveau système hein. On peut lire l'avenir dans les bits. Et donc on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de leur proposer ce nouveau système. Malgré tout, ça n'a pas beaucoup de succès hein. Non, pour l'instant les gens ne sont pas très ouverts à la proposition. Mais peut-être qu'on aura plus de chance maintenant à 1h32. Allez savoir, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez c'est parti. Allez.

Du coup, tu veux parler à Alex. Moi, j'ai trouvé ça très fleur bleue, exactement. Plein d'amour. Limite, même limite chiant. Oui, voilà, hein, presque. Vraiment, quoi, vraiment, limite. Hein. Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Si vous voulez participer pour avoir une émission de dialogue, n'hésitez pas, bien entendu. Ouais. 01 42 48 5000. On écoute le nouveau son de Mr. Probs maintenant, c'est Waves sur Fun Radio. Ça parle le son de Mr. Probs à l'instant, c'était Waves sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah ah. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, toujours en direct évidemment avec Flop Flop qui dit « Oh non, c'est bientôt fini, mes trois dernières heures de travail vont être longues sans vous. Un petit message d'encouragement. » Oh bah Flop Flop, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie Flop Flop? Tu nous as pas dit là. Attends, bah oui, on va te mettre un petit message d'encouragement, t'inquiète pas. Attends, je vais t'en mettre un bien, regarde. Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer. Voilà, tu vois, allez, ça ira mieux, Flop Flop, tu vas voir. Nadia aussi, merci de nous faire autant rire. Là, je suis seul chez moi en plus. Eh bah écoute, avec plaisir Nadia. Et Mystique également. Moi, j'ai déjà dormi avec mon meilleur ami alors qu'il était en caleçon, il s'est jamais rien passé. Après, il faut aussi voir la gueule des meilleurs amis aussi, hein. Ouais, généralement, si on les prend comme meilleurs amis, c'est qu'il y a une raison. Bah oui, oui, c'est vrai, pas forcément. Mais non, non, pas forcément. Tu vas voir une meilleure amie ou un meilleur ami qui est bien et puis voilà. Ouais, mais il y a toujours un truc qui fait que ça n'ira pas plus loin. Ou alors c'est qu'il y en a un des deux qui en kiffe et l'autre pas. Mais il y a toujours un truc qui fait que ça n'ira pas plus loin. Bah je sais pas, moi je te dis, j'ai dormi avec des filles qui étaient jolies et pour autant. Ouais mais toi c'est et pas pareil, ça compte pas Mickaël. Tu es l'homme parfait, tu es tellement idéal tu... Ouais c'est vrai, mais justement la fille aurait dû avoir envie. Mais peut-être qu'elle avait envie mais elle n'a pas osé te sauter dessus. Mais je sais pas. Mais n'importe quoi. Non non mais voilà, c'était une relation. Enfin une relation, c'était voilà, on a dormi ensemble comme ça. Et puis voilà c'est tout, il s'est rien passé. Et je n'ai pas de problème avec ça. Ah bah tant mieux pour toi. Non mais parce que apparemment toi il a l'air d'avoir un gros problème avec ça, c'est pour ça que je le dis. Ah bon? Bah ah oui. Oui, c'est vrai qu'il est un peu tendu là. Ah ouais, complètement ouais. Ah, je sais pas ce qui se passe là. Ah mais c'est avec la conversation avec Jean-François qu'il a excité. Ah d'accord. Ah là là, ça m'a retourné. Du coup, il a la tension là. Bon, il y a Manon avec nous maintenant de Brest là. Salut Manon. Manon? Oui. Ah voilà, on t'avait perdu dans le standard. Bon, Manon de Brest, comment ça va? Manon de Brest. Mais ça va et vous? Ça fait un peu film à l'ancienne, Manon de Brest. Manon de Brest. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, un petit peu, effectivement, ouais. Bon, alors du coup, Manon, que se passe-t-il? Oui. Bienvenue à toi sur Fun Radio. Eh ben, je vous ai appelé mercredi dernier et vous m'avez dit de rappeler ce soir parce que c'est mon anniversaire. Oui, je me souviens. T'avais demandé la musique d'anniversaire alors que ce n'était pas ton anniversaire et je t'avais dit bah t'as qu'à rappeler le jour où c'est l'anniversaire. C'est ça. Et bah attends, je vais te la mettre, la musique hein. Attends, rien. Oh, bah, voilà. Je vais te la mettre, la musique. Bah bien sûr. N'importe quoi. Allez, allez. Cochonne, jouis. Voilà, bon anniversaire Manon. Bon anniversaire. Et ça nous fait quel âge ça Manon? 21 ans. Et combien mesures-tu Manon? T'es âgé quand même hein. Comment? Comment ça âgé? Pour toi peut-être un peu. Combien mesures-tu Manon? 1m68. Combien pèses-tu Manon? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah ouais. Donc oui, je t'écoute. 90B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? B comme Bénédicte. Ou comme Beat. C'est ça. Ou comme Beat, oui, après. Ou comme bourré. Et bon, la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Ah oui, bah écoute, je peux venir à Brest. Mais oui, tu vas être bougie. Bonne. Mais oui, je peux venir à Brest directement, il n'y a pas de problème. Hein. Et tu pourras souffler ma grosse bougie. Ah, génial. Mais quel cadeau de merde. Non, je suis pas d'accord. Bah ouais, un beau cadeau merdique. C'est une petite bougie qui est sur la fin là. Ouais, la mèche est éteinte quasiment. Exactement, tu sais, il y a tout du liquide là. Ouais. Et le truc va s'éteindre d'un moment à l'autre, la bougie est de plus en plus petite. Et puis c'est terminé, ouais. Bon, et ben voilà, bon anniversaire Manon. C'était hier ou c'est là maintenant là? Bah c'était hier, mais vu que je suis rentrée du boulot, j'ai pas pu appeler avant. Ah bah d'accord, et tu fais quoi dans la vie? Pute. Oui. Non, je travaille au McDo pour l'instant. D'accord, ok, très bien. Bah, tu nous aurais dit, on serait passé manger un petit bout là. Bah oui. Bah bien sûr. Ah bah avec plaisir. Ah bah voilà, gratuit, t'arrives à nous faire passer encore. Parce que moi je me souviens, j'avais bossé 5 jours au quick quand j'avais 18 ans. Bon, enfin c'était hier. Hein. Et je suis resté 5 jours parce qu'après j'ai failli me mettre une balle. Mais du coup j'avais appelé tous mes potes, toute la famille, tu sais, je leur faisais passer, ils payaient le prix d'un milkshake, je leur mettais des menus, c'était open bar. Je me suis pas fait virer, je suis parti avant, je pense. Mais ah ouais, c'était la fête à la saucisse. Hein. Mais s'ils avaient fait la caisse. Nous, on a pas le droit, non. Non, mais j'avais pas le droit non plus, hein. Mais tu sais, je laissais passer quoi. Ou alors ils prenaient un menu, je leur mettais un ou deux burgers de plus, t'as etc. Pas le droit, etc. Hey, ah tu ouais, prends le sac, tu mets deux. Y a pas de quoi? De soucis pour ça. Ah voilà, ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà, tu prends. Au moment où tu mets le sac, quoi, tu vois. Hop, tu mets un petit burger dessus. Mais ils sont jetés. Ouais, vu, ouais. Il y a le temps et puis après c'est jeté. Donc après ça dépend. Moi je faisais pas attention au temps. Je prenais pas les derniers. Moi je prenais ceux qui arrivaient, tu vois. Ah d'accord. Ah bah oui, moi attends, je servais bien la famille, les amis. Je mettais un truc chaud. Je mettais pas un truc dégueulasse, quoi. Bah oui, évidemment. Normal. Normal. Bah oui, c'est la moindre des choses. Tiens, c'est j'ai une question à te poser. T'es où toi? T'es à la caisse ou à la cuisine? En caisse. Ah, en caisse. Enfin, les deux en même temps, mon cœur. D'accord. Parce que j'ai un truc. Bon, moi, je vais souvent quick. Moi, en McDo, je suis pas trop fan. Mais comme j'aime pas les oignons, je demande toujours les burgers que je prends sans oignons. Parce que de un, ils sont meilleurs, hein, forcément, parce que j'aime pas les oignons. Et de deux, t'es sûr de les avoir chauds. Mais est-ce que ça fait chier le cuisinier? Genre, est-ce qu'il se dit, ah, t'aimes pas les oignons, espèce d'enculé? Hop, voilà. Non. Jamais. Des blagues quelquefois, mais non, pas à ce point-là. Genre, quelle blague? Et non, c'est juste que suivant l'heure où à laquelle les personnes passent, ça le fait pas, mais non, autrement ça pose pas de problème. Ah, vous les faites pas carrément? Si, mais suivant s'il y a du monde ou pas, ça fait chier quoi. Autrement, ah ouais, y a pas de souci. D'accord, mais vous les faites quand même. La prochaine fois je vais essayer, je vais dire. Et alors je voudrais un long fish avec la sauce du Giant. Mais sans poisson. Oh, ils sont relous, c'est ah, bon. Ah ouais. On n'est pas dans le détail. Bah oui. Non, ouais, mais il n'y a pas le droit. Oh là là, il y a des règles maintenant. Alors là. Moi, il m'a toujours semblé que le client était roi. Ouais. Et moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Est-ce que t'as déjà mis un poil de cul dans un sandwich? T'imagines. Eh, si Toff vient de ces quatre, il faut le faire. Un peu de chatte, un peu des poils de chatte. Voilà, tu t'enlèves. Ah non, mais tu fais les trucs. Comme ça, il va parler comme ça quand il aura terminé le sandwich. Oui, c'est très bon, Mien. Mais c'était très bon, il y avait un truc en plus, c'était génial. Ah, mais ce petit goût de poil, moi, j'aurais adoré. Ah, je reviendrai sans problème. Bon, bah, bon anniversaire en tout cas, Manon, je te fais des bisous. J'ai pas voir un petit truc, un petit cadeau, non? Il n'y a pas ça qui traîne. Bah, attends, je te prends à Toff qui voulait venir. Là. Mais oui, attends, je voulais venir t'offrir une belle bougie. Exactement. Oui, mais je suis sûre que mon copain sera pas très très d'accord. Oui, hein. Oh là là. C'est juste pour un soir, si tu veux, on l'appelle pour lui demander. Et puis vous faites œuvre de salut public, c'est une œuvre caritative, Toff. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, après, ce que je peux t'offrir, c'est quelque chose qui va remplacer ton copain, tu vas voir. Offert par. Au passage du désir.fr. D'ailleurs, on n'a pas fait de point top tweet ce soir. On sur nous. Chez moi. Bah là, il est 1h58, ça sert à rien. Autant de résultats. À 1 minute 30. On peut faire un point dans sa gueule, pote, par contre. Ah oui, ça oui. Ça oui. Non. Voilà, mais pas dans la tienne, Manon, hein, t'inquiète pas. Bon, Manon, bah tu restes au standard, on va te filer ce magnifique. Genre. Sextoy. Non, c'est. Ah, c'est Gilbert. Gilbert le magnifique. Il va être magnifique, tu vas voir. Fais-en bon usage, Manon. Non, mais sérieux, hein. Fais-en bon usage. Oui, mais bien sûr. Et ça vaut 100€, hein. Oula. Alors. T'auras l'impression d'avoir un gros billet. Salut, Manon. Salut. Bisous, ciao à toi Manon, bye bye. Bon, eh ben voilà, très bien, bonne chose de fait, ça. On va se faire polo contre le reste du monde. Ouais. Polo against the rest of the world. Et puis on aura évidemment un générique de fin comme tous les soirs. Et on aura aussi les résultats de, du top tweetos. On va voir qui est le numéro 1. Qui sera le numéro 1. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants sur Fun Radio. Presque 2h, on écoutera aussi le son de DJ Castilli dans quelques minutes. On va se mettre bien, ouais. Mais bon, ça évidemment, et ben comme promis, c'est parti. Polo against the rest of the world. Bienvenue dans Polo against the rest of the world. Vous êtes sur Fun Radio. Ne quittez pas, je suis là. On commence tout avec Steve. Steve, ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais savoir, en fait, c'était une question par rapport à vos émissions. Oh, t'es trop long là. Michel. Oui, salut. Ouais, que veux-tu, Michel, 29 ans, Vitrimont? Ouais, moi, je voudrais savoir pourquoi on te bannit toujours de l'antenne. Mais personne m'a banni, je suis pas banni. Non, c'est Toff. C'est Toff, oh là là, mais vous êtes... Y'a Toff. Toff est moche, Polo est beau. Allison. Oui, Polo, est-ce que t'aimes les chiennes? Les chiennes? Oui, oui. Ah oui, j'adore les chiennes, Allison. Eh ben, écoute ça. Vas-y. Ah, c'est pas mal, Allison, pas mal. Alexandra, oui, que veux-tu? Oui. Ben, moi, je vais vous remercier de toutes les conneries que vous dites. D'accord, on a rien à foutre, en fait. L'héritage. Ouais, Polo. Ouais, t'es dans Polo contre le reste du monde, l'héritage. Ouais, ouais, bah non, mais je voulais te dire que j'allais te passer sous le nez, quoi. Pourquoi? Bah parce que t'allais toucher, mais en fait, là, non. J'en veux pas, en fait, moi je veux rien du tout. Je me suis fait à la force du poignet, et ce n'est pas une branlette. Ah ouais? Je me suis fait tout seul, monsieur l'héritage. Ah bon, chaque bah d'accord. Chaque sou gagné, mais... chaque sou dépensé, je l'ai fait à la sueur de mon front. Eh ben écoute, tant mieux, on filera toi, teuf, alors. Ouais, j'en ai rien à foutre. Vincent, le fan. Oui, bonjour, Polo. Ah, Vincent, la baltringue, je t'écoute. Oui, Polo, je voulais savoir, en fait, demain, c'est l'anniversaire de ma sœur. Ouais. Elle fait ses 18 ans, c'est la boum. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, pour faire le clown? Bah, t'as pas besoin de ça pour moi, t'as une tête de clown, toi. Mais non, c'est toi. Vincent. Mais non, Polo. Vincent, t'as pas besoin de moi pour faire une boum. Mais si, s'il te plaît, hein, parce qu'on est fan, s'il te plaît. D'accord, ok, bah j'arrive. Mais tu payes. Combien? Et attends, je te dis ça tout de suite. Steve, le retour. Steve. Steve. Steve, une fois. Merde. Deux fois. Ouais, ouais, Steve. Ah. Bon, que veux-tu? C'est quoi la question? C'était pour faire une petite dédicace à Fun Radio, voilà. Et bah, cool. Merci, Steve. Au revoir. Bah, de rien. Allez, ciao, Alexandra. Alexandra. On dit que la prochaine fois que vous appelez Jean-François, vous me prévenez. D'accord. Et moi, je me mets en condition. Ouais. Et je vous fais une grosse dédicace à tous. D'accord. Alexandra. Ouais, ok, merci, allez, dégage d'ici. Michel. Oui. Ouais. Alors, moi, je voudrais avoir un petit renseignement, là. Vas-y, je t'écoute. Tu peux me donner un coup de main, là, j'ai un petit problème. Ça dépend, c'est quoi? En fait, ce soir, je voudrais faire l'amour à ma femme, mais je sais pas comment lui demander. Elle est en écoute dans la voiture. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Émilie. Bon, Émilie, Michel, 29 ans, Vitrimont, veut bourrer ce soir, donc tu te fais bourrer, on n'en parle plus, voilà. Impeccable. Bah voilà, c'est pareil, c'est pas grave, c'est bon là ou pas? Allez, bourrez bien. Nickel. Bourrez-vous les uns les autres. Merci. Allez, dégage, Alison. Oui, Polo, oui, je suis une chienne. Bon, est-ce que tu peux m'adopter là? Bien sûr, Alison, j'adorerais ça. Le boops fille n'a pas bien marché. Hein. Je n'ai pas reçu un seul boops. C'est étonnant. J'ai reçu un mec qui m'a fait un fuck. Mais tant mieux. Mais j'ai pas reçu de boops. Donc n'hésitez pas, là, vous avez encore un peu de temps pour l'Ouest Fun Radio. Polo at spa.fr. Voilà, envoyez-moi des boops. Alison, tu vas m'envoyer tes boops? Je vais t'envoyer ça. Allez, Polo at Fun Radio.fr. J'aime beaucoup le chien. L'héritage. Ouais, moi je voulais dire, par contre, j'en avais reçu plein des boops. Hein. Ah ouais? Ouais, je te ferai suivre, tu vois. Eh bah, avec plaisir. Vincent, que veux-tu? Oui, 250 000 euros. Oui, alors, attends, Polo, parce que moi, il faudrait que tu fasses des cartes dédicacées, c'est possible ou pas? Avec plaisir. Bon, Vincent, alors... tu m'as gonflé, là, en fait. Oh non, tu raccroches toi-même au nez. Ah non, tu me raccroches pas, j'ai encore un tour. Non, non, mais tu te raccroches toi-même au nez. Non, j'ai encore un tour. T'as raccroche-toi au nez, Vincent, ou je le fais? Non, Polo, Vincent, encore un tour. Vincent, non, une Polo. Fois. Vincent, deux fois. Non, Polo, deux fois. Vincent, allez, casse-toi. Hein. On va terminer ce Polo contre le reste du monde. Dernier tour. Michel. Oui. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit, là? Eh ben, je sais pas, elle est pas revenue. Hein. Ça n'a pas l'air de marcher. Hein. Bon, bah écoute, Émilie, fais-toi bourrer. Allez. Michel n'attend que ça. Michel, conclusion. Conclusion, bah on va attendre. Hein. Bon, ok. Bon, tu me dis ça. Tu me donnes des nouvelles demain? Il n'y a pas de souci. Allez, va-t'en. Alison, petit chien. Bon, ça va, Alison? C'est bon? Allez, dégage, et pour terminer l'héritage. Ouais, bon bah écoute, non, si t'en veux pas des 600 millions, c'est cool quoi, parce que du coup, comme ça pourra aider une association d'animateurs en détresse qui ont besoin de cours pour arriver à faire des émissions et caler des intros quoi. Ça c'est une... Eh ben je donne les 600 millions, voilà, si ça peut aider ce monde de la radio, je mettrai ma pierre à l'édifice. Et il t'en sera reconnaissant. Allez, casse-toi l'héritage, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, je m'en vais. Ah bah tant mieux, ouais. Bon ouais, débat, je me casse, hop allez. Là, voilà, tiens, c'est bonne nouvelle, ça tient, hop là, on est tranquille maintenant. Bon bah 2h05 sur Fun Radio, on va dans quelques minutes balancer le générique de fin, bien entendu, évidemment. Et puis on va aussi se faire le top tweetos, ouais. On va donc savoir enfin qui est le numéro 1. Et ouais, on va passer du 5e au 1er, quels sont les auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission. Et ça défile, ça a beaucoup défilé d'ailleurs ce soir. Ouais. Attention, beaucoup de messages, beaucoup de nouveaux également qui ont débarqué en plein milieu de l'émission. Là, bah, bienvenue à vous. Et beaucoup de nouveaux également sur le Facebook et puis bah, derrière votre radio, évidemment. Alors, on va donc y aller. Quel est le numéro 5? Ça charge. Ah oui, ça charge. Bah oui, mais bon. Oui, bah oui. Bon, alors, numéro 5. Le numéro 5, c'est Darkit. Drakit. Drakit, oui, pardon. Drakit, il me semblait bien. Numéro 4. La petite fée. Numéro 3. Ness. Numéro 2. Paul PC28. Et enfin, numéro 1. Nadia Le Prince. Nadia Le Prince, ouais, donc. Eh ben voilà, bravo à toi. Ah, Nadia Le Prince a déjà gagné en revanche, me semble-t-il. Elle s'est déjà fait fourrer par passagedudésir.fr. Exactement, donc on va filer à celui qui n'a pas encore gagné dans le classement, évidemment. Hein, parce que c'est pas le... Donc c'est pas elle, c'est le deuxième ou troisième. On verra bien. Le premier qui n'a pas encore gagné, quoi qu'il en soit, on fait ça tous les soirs pour ceux qui viennent de débarquer, évidemment. Bon, allez, c'est parti pour le générique de fin. Let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des big taf, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement qu'il leur t'encule ton nom qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Espèce d'enculé, va. Va te faire foutre, connard. Voilà, va te faire enculer et puis ça ira bien. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, va. Va te enculer, gros connard. Allez vous faire foutre. T'as des couilles au cul, viens t'empêcher chez moi maintenant. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh oui. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon t'as la barbée. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitaf, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, ton enculé. Merde, bah tu... Oui, on est des enculés, c'est vrai. Voilà. C'est pas comme si ça faisait pas des années que tu la finissais, cette chanson. Bah oui, mais je bug. À chaque fois, c'est dingue. Ouais, quand même. C'est bizarre. Bon, merci à Tchoum qui a envoyé son message là. Merci pour cette super soirée, mort de rire. Gros bisous à toute l'équipe. Eh bah écoute, merci beaucoup. Gros bisous à toi également, à Tchoum. Merci de nous avoir rejoints puisque je ne t'avais pas encore vu au... je ne t'avais pas vu avant. Il y avait également Lydie. Il y avait également notre ami d'Arabie Saoudite là qui, bon, c'est un mot, c'est... son nom est écrit dans une langue que je ne peux pas lire malheureusement. C'est de l'arabe. Bah oui, voilà. C'est celui donc, de droite à gauche. Salut. Oui, bon, enfin, même de droite à gauche. Je ne sais pas comment ça se dit. Hein. Alexia également, Sophie, sur le Facebook, il y avait Guimauve, sur le Twitter, il y avait Yasko, il y avait Super Lulu, DJ Damino également, il y avait Mika à l'apéro, il y avait Yasko, Ness, qui était là également, la petite fée, évidemment, Skytronic qui était là, il y avait Adeline, il y avait qui aussi, là, Laura qui était connectée également ce soir sur le Twitter de l'émission, et puis Feng Shui qui vient d'arriver aussi, bienvenue à toi Feng Shui, et merci en tout cas tout le monde d'avoir été là, continuez à balancer vos messages, toph@funradio.fr. sur le mail de Toff avec vos photos en mode selfie. Vous savez, c'est bon, hein, ma boîte mail est saturée. Ah, on continue à les uploader, comme ça vous aurez votre tête sur le Facebook de l'émission et vous allez pouvoir vous taguer et vous la ramener demain. Et puis en plus, bravo à toutes les filles, puisqu'il y a beaucoup de jolies filles. Franchement, bravo à elles, c'est bien. Donc c'est cool, c'est cool. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai encore donné un boulevard à Toff. Ouais. Parce que toutes les meufs. Non, je peux pas garder les images, je suis obligé de les effacer au fur et à mesure, sinon je peux pas faire. En fait, t'effaces tous les mecs et tu gardes que les meufs. Non, j'ai tout effacé. Oh, arrêtons. Oh, okay. Quel menteur. Le pauvre Toff. Sa boîte est saturée. C'est ça, et demain non, il va arriver, il aura pas dormi. Je vais recevoir un message qui me dit machin, vous ne pouvez plus envoyer de mail si vous ne videz pas votre boîte. Ouais. Bah donc il a certainement viré nos mails. Ah bah oui, ça, voilà, mails, c'est ça. Et hop là, il a gardé que les gonzesses. N'importe. Et il croit qu'encore avec tout, après toutes les années qu'on va encore croire ça. C'est quand même pathétique. Le bon allez, rencard demain, on se retrouve à partir de 23h sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, 2h09 sur Fun Radio. Je suis déçu, Fonfil est pas là qui fait la RIA du matin. Là, il était là hier avec nous. Il fait la. Et bon, alors, on l'a vu cet après-midi à midi et demi. On l'a vu avec Bruno. Là, il était dans un état malheureux. Ah, il était fatigué. Bah ouais. Bon, pour info, pour ceux qui étaient pas là hier, donc Fon, c'est celui qui pousse les boutons le matin chez Bruno. Et cet abruti, en fait, s'était trompé dans le réveil. Et il était persuadé qu'il était 4h30. Sauf qu'il est arrivé à la radio, il était 1h30. Et bon, voilà, du coup, voilà. Il a attendu quoi. Voilà. Ça a fait un peu de compagnie à JV avec son genre de merde, hein, c'est lui. Hein. Et ben on a passé la nuit ensemble. Ah bah génial, tant mieux. C'était bien. Toff, on a rien fait. Enfin, on a rien fait. Toff, désolé. Ah merde, je suis déçu. Toff, il a mis les caméras et tout et rien. Ouais, j'avais tout allumé pour être sûr d'avoir un truc. Là, j'allais regarder. Non, tu vas pas branler sur nous. Allez, ah merde. Ah, que c'est dommage. Je suis déçu. Enfin, voilà. Quel programme ce soir? Du son dance floor de la vanne. Non. Et puis n'oubliez pas, si c'est un prénom dans la radio. Et puis les femmes restent avec moi. Évidemment, la France, toute la France, elle sera toutes là. Les femmes restent évidemment, avec moi. Évidemment. Enfin, t'emballe pas non plus. Hein. Ne t'emballe pas non plus. Bon, alors cette interview, alors on en est où là? Ah, donc là, vous parlez des superstars qui vont venir. Ouais, à des grosses stars. Ouais, YouTube, voilà. Non, c'est pas ça? YouTube. Non, je parle des Magic System. Bon, si tout va bien, on aura une surprise demain soir ou dans 48 heures. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais surprise pour qui? Mais pour moi et pour vous aussi, je vous en dis pas plus. Mais bah, une surprise ça dépend de leur programme, de mauvais goût, même... ou une surprise. Non, c'est une très très grande surprise. Ah, ils vont venir en live. Non, j'adorerais. Mais on est en négociation, c'est pas sûr parce qu'ils ont un planning assez serré. Donc bah, si j'arrive, c'est juste qu'ils se sont dit, attendez, faire ce que je veux. Non, bah, attendez, vous allez me faire arriver à 3h du matin. Ouais. Oh, non, mal, c'est des mecs 3h non, 3h du matin pour eux c'est rien. C'est pour eux c'est le début de l'après-midi. Ouais, à la limite c'est les mornings le problème de c'est se lever quoi. Mais bon, ouais. Enfin bref, donc je vous tiens au courant. Ah, sinon on a les Magic System là avec nous là. Bonsoir les Magic System, comment ça va? Ah bah attendez parce que là ils sont endormis encore. Oui, c'est tout ouais dur là. Tu peux chanter Chéri Coco s'il te plaît? Non, je peux pas. D'accord, merci. Je vois pas. Kassav là ou Zouk Machine. Ouais, c'est plutôt Zouk Machine. Ou la compagnie créole. Donc c'est la compagnie créole. Ça, je peux faire la compagnie créole, y'a pas le problème. Allez, y'a pas le problème. Y'a pas le problème. Mais par contre, oui, par contre, comment tu t'appelles? Comment il s'appelle déjà? JB. Non, pas toi, les gens que tu veux faire l'interview. Bah, Magic System. Ah oui, d'accord. Bah, c'est facile. Ah bah oui, Magic System. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti dans la tête. Bah voilà, très bien. C'est bon. Parce que c'est de la merde. Allez, bonne. Vraiment, quel talent ce top. Vraiment. C'est impressionnant, vraiment. Je suis on the bottom. Bon, allez, je pense qu'il faut partir un moment. Hein. Ouais. Allez, on va partir on maintenant. Et on va quoi? On joue quoi? Je sais pas, j'hésitais. Nirvana? Moi j'ai Avicii. Bah, ça tombe bien. Moi j'ai DJ Cassidy. Ah ouais. Il est bon celui-là. Ouais. Tu l'aimes pas. Il fait très funky. Je parie que t'aimes pas. Si, j'adore. Il remet en cause la prog. Ouais, il aime pas, ouais. T'es vraiment. Dès qu'il y a un morceau qui est bien, il faut que t'aimes pas, toi. C'est dingue ça. Attends, on va le remettre parce que du coup, on a bouffé l'intro. Allez, 2h12 sur Fun Radio. On s'écoute DJ Cassidy, mais dans Calling on Earth. Et puis on revient demain à partir de 23h juste mais après le Bon Fun. Oh putain, c'est pas possible. Allez, on y va. Il dit quoi, Cassidy? Il dit quoi? Allez, bonne soirée. Salut, c'est les Magic System. À demain. Allez, nickel. Allez, on enchaîne. C'était pour te laisser dans ta solitude. Oh, la enchaîne. Allez, hein, Cassidy de JB. Et bonne soirée sur Fun Radio. La journée ne fait que commencer. Oh yeah, le son dance floor la nuit. Ouais, c'est JB la nuit. La journée ne fait que commencer ici. On ne dort pas. Allez, casse-toi, va dans ton studio là. Mais non, je peux pas parce que y a des trucs qui vont se passer dans le studio. Il faut que je reste dans ce studio. Quoi, il y a une partouze? Non. Ah, il faut le prévenir nous parce que exceptionnellement, je reste dans ce studio. Il va être chaud bouillant là. Non, je peux pas avoir Toft nu. Allez, c'est bon. Ah bon, d'accord. DJ Cassidy. Ouais, DJ Cassidy. Ouais. Salut à tout le monde. Et Calling All Earth. On vient demain partir 23h.